changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui est un sondage requis. Frédéric Bernard sera de retour avec une autre série à voir dans sa chronique Crackpot TV. On achètera des gadgets à avoir dans 5 minutes, ça devrait répondre. Assemblage qui commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 4 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Hey, salut, Mathieu. Je suis en train de me dire, faut que je fasse le canevas à main aujourd'hui. Okay, ouais, ouais, dans papier. Ma tête, ouais. Je me suis imaginé l'enregistrer sous, puis je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. Tu sais, des fois, quand t'as des bugs informatiques comme ça dans ton cerveau, là. Je trouve que c'est un bug plus papyrus et. Par exemple, ça t'arrive-tu des fois, t'as un document? Puis là, tu veux trouver quelque chose dedans, pis tu te dis « Colin, que je ferais CTRL-F ». Mais ça. Ou « Ah, je fais une erreur, j'aimerais donc faire CTRL-Z ». Tous les raccourcis ne sont pas possibles dans la vraie vie, malheureusement. Ça serait si pratique. Ben, c'est ça, ça serait si pratique. On est en semaine de relâche, Steph, cette semaine. Vas-y, t'avais comme non, mais moi, je ferais copier-coller avec mon cash. Oui, c'est vrai ça. Oh, un petit billet. Oh, copier-coller. Oh, copier-coller. Donc, c'est ça, on est de billets cette semaine parce que c'est la semaine de relâche. Donc, on a pas tout le monde, mais on a, c'est confirmé, Crackpot TV qui va être là à 8h30, Frédéric Bernard. Oh, oh, oh. Pour nous parler d'une série. C'est sûr. On va probablement avoir à remplir avec quelques gadgets inutiles trouvés sur Internet dans 5 semaines, ça devrait pas là. Remplir. J'ai dit dans trop, ça n'a pas le choix d'avoir lieu. Ça a du contenu, c'est là. C'est ça, du gros contenu. Mais on débute avec notre amie Véronique Mire, qui est fidèle au poste malgré la semaine de relâche. Véronique, bonjour à toi. Hey, salut! Ça va? Ben oui! Et moi, je suis tellement contente d'être ici. Yeah, qu'on est contente de t'avoir aussi. Donc, accueillons-la officiellement. Voici le Véronique Sionnaire. C'est le Véronique Sionnaire avec Véronique Mire. Et si vous vous rappelez, on était rendu, étant donné qu'on va à l'inverse depuis la lettre Z, on était rendu à la lettre. La lettre 10? C'est quoi la lettre? Dis-moi là. On est encore sur la lettre. Quelle lettre on est? Mais comme on sait, je ne retiens rien dans la vie. Et je suis pas un gars fiable de toute façon. C'est pour ça que t'es pas bon en mathématiques. Je suis pas bon en grand chose. Toutes les retenues, ben, tu peux pas les faire. C'est ça. Parce que tu retiens rien. Exactement. Bon. Donc, lettre E, c'est. Est-ce que. Bon, bref, on est rendu à la lettre E. C'est là. Oui. On se fout de quelle partie qu'on était rendu. Il me semblait qu'on avait déjà fait deux. C'est ça. Non, on n'a pas fait deux. On a juste fait une. Oui. Ça a juste eu l'air long, non, c'est pas vrai du tout. Donc, lettre E, qui va être effrayante, j'imagine. Ben, pas pire. Donc, commençons par, justement, on est le matin, 7h30, alors pourquoi se tire-t-on au réveil? Ah, ben ça fait tellement du bien. Ben c'est ça, comme les chats font. Pourquoi ça fait du bien, c'est ça. Ben en fait, c'est pour que le corps puisse reprendre ses fonctions normales, parce que quand on reste plus ou moins immobile dans un lit pendant plusieurs heures, le cœur ralentit et la respiration aussi, ce qui limite la distribution d'oxygène dans l'organisme. Et particulièrement, les articulations des coudes, des genoux et du coude et du cou se rétractent. Alors, quand on s'étire et qu'on baille, bien, on alimente notre organisme en oxygène et on réactive nos muscles et nos articulations. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est un réflexe physiologique. Je vais le faire peu importe la raison. Ça fait tellement du bien. Ah oui. Ensuite, toujours dans les étirements, étirements et sport. Doit-on s'étirer avant ou après un exercice physique intense? Ah ben intense? Ça, il y a encore des chicanes d'école de pensée. Là. Oui, il y a pas mal de points là-dessus. Moi, si je te dirais, peu importe le moment, c'est toujours bon de s'étirer. Puis c'est pas obligé d'être... tout de suite avant, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça préparait tes muscles à la relaxation, donc c'était pas une bonne idée. Après, ça fait du bien. Mais sinon, ça peut être une heure, deux heures après, puis c'est quand même bon. C'est bon quand même. Ouais. Peu importe à quel moment. Moi, je mets mon argent sur Steph parce que c'est quoi à parler de ça. Ouais, ouais, ouais, amène tout ton argent. Je vais le copier-coller. Oh oui, on aime ça. Ben, en fait, c'est que la majorité des sportifs, quand on pense à étirement passif. Là. Par exemple, quand on fait une fente pour étirer notre mollet, puis on reste dans cette position-là pendant 20 secondes de temps. Mais si on pense à ces étirements-là, ben, il ne faut pas les faire avant. Parce que, en fait, ce qu'on veut avant l'exercice physique, c'est de se réchauffer, de vasculariser, pardon, notre organisme, donc de donner une irrigation sanguine suffisante à nos muscles pour ne pas être raqués là, par la suite. Alors, les étirements passifs ne sont pas recommandés pour ça. Ne sont pas recommandés également parce qu'ils ont un effet antalgique sur le corps, diminuent la douleur et élèvent le seuil douloureux des fibres musculaires. Ah, alors, donc si tu t'entraînes trop fort, tu peux te blesser. Exactement. Comme moins t'en rendre compte. C'est ça. Ou si t'es déjà un peu blessé à l'avance, ben là, puisque tu t'étires de façon passive, ton muscle va se sentir un peu mieux, puis là, tu vas en remettre par-dessus. Donc, tu pourrais te blesser encore plus par la suite. Et aussi, ben, faut faire attention à tout ce qui est exagéré. Hein. Souvent, on a tendance à s'étirer un petit peu trop, là, comme quand on dit « bon, penche-toi en avant, essaie de toucher tes orteils ». Ben, quand tu sens là, que tu es au bout de ce que tu peux faire, ben, c'est correct. Tu n'as pas besoin de te plier en deux. Donc, ça peut entraîner des micro-traumatismes ou des problèmes aussi de coordination motrice avant. Par contre, comme tu disais, c'est bon de s'étirer après. Là, il faut faire attention pour vraiment y aller jusqu'à ce qu'on se sente bien, là, jusqu'à temps que l'étirement soit bon. Il ne faut pas pousser trop loin. Donc, écoutez votre corps. Et quand on parle de récupération physique, là, souvent après un gros exercice cardio, hein, on va dire fait une période de récupération là, pour que tes battements cardiaques diminuent puis pour que tu reprennes le contrôle de ta respiration. Bien là, ce n'est pas des étirements qu'il faut faire, c'est vraiment soit du vélo, aller se faire masser, on s'est-tu plate. Ou bien prendre des bains ou des douches alternées là, chaud, froid, intense. Là, pour, mais ça, faites attention aussi pour les cardiaques. C'est vraiment pas recommandé. Donc, voilà pour les étirements et le sport. Oui, tu as parlé de choses vasculaires. Là, c'était récemment la semaine de la persévérance vasculaire. Justement. Persévérance scolaire. Persévérance vasculaire. Bon, donc, ce voilà. C'est mon seul gag aujourd'hui. Minute sportive. Bon, on va rester dans le corps humain quand même. Je vais vous parler de l'estomac. Pourquoi notre estomac gargouille-t-il quand on ne mange pas? Ça, c'est l'acide de ton estomac qui est en train de passer à travers la paroi. Non? Pas bon signe, rends-toi à l'hôpital. Ben moi, c'est que c'est mon ami fantôme, c'est mon ventre. Fait que je lui parle toute la journée. Fait que, il est très bon. On a vraiment une symbiose. Ah, oh, c'est beau. Ouais. C'est cute. Ben, en fait, le gargouillis provient de l'estomac et du petit intestin. Quand ils sont vides depuis un certain temps, ben, il envoie un message au cerveau qui dit « J'ai faim, nourris-moi! » Alors là, inconsciemment, ben, le système digestif se met en marche. Il se prépare à la digestion. Donc, il produit de l'acide, les glandes digestives comme le foie et le pancréas sont stimulées. Et les intestins se contractent pour vider ce qui serait présent dans notre système digestif pour faire de la place à ce qui s'en vient. C'est parce qu'on digère de l'air. Ben, c'est ça. Quand notre système est plein, on l'entend pas, ce bruit-là, mais quand il est vide, là, on l'entend. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Ton casse déménage. L'écho de gourgouillis. Et c'est-tu vrai, ça, que si on avale une gomme, ça prend 7 ans à notre organisme pour la digérer? Je pense que non. 7 ans de malheur, hein, c'est ça. Si tu casses un miroir en mangeant une gomme, je pense. Oh, mon Dieu, ça en fait des 7, ça. Ben, c'est archi faux, hein, évidemment. Donc, l'huile et le sucre qui sont contenus dans la gomme sont digérés comme les autres aliments. Par contre, le latex et le caoutchouc peuvent pas être digérés, mais on les évacue autrement. Par contre, faites attention, faut pas prendre l'habitude d'avaler sa gomme parce que là, les morceaux peuvent se coller les uns aux autres puis peuvent causer un blocage dans le système digestif. OK, donc tu fais des bulles par les fesses, comment? C'est une gomme par jour rapproche le médecin pour toujours. C'est ça. Ah oui, c'est la bon, pomme. Ça rime en plus. Si t'as 7 ans de digestion par gomme, si t'en prends 3, tu gagnes un paquet gratuit, tu sais, 7, c'est chanceux. Tout est parfait là-dedans. À cerise. Tu te recomposes une gomme à méga plein de saveurs. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils ont inventé les casse-gueules. C'est peut-être quelqu'un qui avait trop mangé de gomme. Des accumulés de latex et de caoutchouc. C'est des casse-culs à l'origine, puis là, c'est devenu les casse-gueules. Les casse-culs, c'est bon. C'est pas le nom en français de Jackass, ça, les casse-culs. Je pense que oui. Ça aurait pu. Ça serait bien. Les éternuements. Mon Dieu, ma voix. Éternuement. Alors, pourquoi on éternue? Hein? Simplement parce que les poils font office de filtre dans nos narines. Donc, quand ils sont engorgés, qu'il y a trop de trucs, là, de poussière, peu importe, présent, ça chatouille les nerfs, puis là, ben, on veut expulser le surplus, donc on éternue. Le poivre, c'est le pire. Exact. Ah, pourquoi on éternue? À cause du poivre. Hey, je sais pas. Ça ajoute de la saveur, en tout cas, dans ton éternuement. Non, parce que c'est volatile. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Ça te frise les poils. Ouais, ouais, ben totalement. Hein? Donc, le poivre est composé d'une molécule nommée piperine. C'est l'élément chimique qui donne son piperine. Goût épicé. C'est chouette, on dirait le nom d'une fée. Ouais, ouais, c'est la fée piperine. Ouais. C'est clairement dans le Hobbit. Là. Dans les sœurs, ouais. Dans Charm de la série des sorcières, il n'y avait pas une des sœurs piperine en français. Oui, oui. Piper, non. Ah, oui, oui. Donc, quand il est finement moulu, comme tu le disais, les particules, les molécules flottent dans l'air et ça rentre dans les narines. Donc, ça crée une inflammation de la membrane muqueuse qui stimule les cellules nerveuses et puis là, à pitchou, notre organisme veut chasser l'intrus. Donc, si tu te rentres un gros grain de poivre pas moulu, ça devrait être correct? Peut-être qu'il n'y a rien. On essaye! Je sors mon poivre! Mais c'est pour ça des restaurants qui ont un long truc à poivre, là, ben long. Là, c'est pour pas que les serveurs éternuent. C'est sûr que c'est pour ça. Ah, mais écoutez, c'est tellement brillant. Écoutez, c'est brillant. Je suis sûr qu'à la base, c'est inventé pour ça. Tu penses? Ben, c'est pas loin. Mais c'est pas poli un serveur qui éternue dans ton spag. C'est plus la pire chose, ouais. Si il éternue vraiment trop vite, ouais, c'est ça, tu sais, puis que ça repire pas, puis ouais. Ben, ça fait quasiment logique. Le pire. Le pire. À part être impressionnant. Ouais, c'est ça, fait quand j'en veux une, c'est gros. Ah, c'est ouais. Tu peux faire un mouvement de va-et-vient, tu vois, c'est vraiment. Un beau gadget, c'est ça. Comment, Mathieu? Comment? Comment? Tu vas trop loin, encore. Comment? Franchement. C'est comme si on faisait des gags de trop humide, là. Ouais, ouais, on fait jamais ça, sauf tous les matins. Surtout le mardi matin. On sortit devant Véronique Mire de petit temps. Ouais. Surtout le mardi matin? Ah ouais, je manque tout ça, moi. Ouais, ben c'est le jour écrit. Puis, toujours dans les éternuements, pourquoi des fois on voit des étoiles quand on éternue? On s'est coincé un air dans l'œil. C'est parce que t'es allé à Hollywood, puis t'es sur le Hollywood Boulevard, puis tu vois des étoiles partout quand t'éternues. Ah. Ou c'est la nuit, tout simplement. Voilà. Puis t'as regardé le ciel, t'as pris ton élan par en arrière. Ou t'as 8 ans, puis t'as encore des collants d'étoiles qui s'illuminent dans le noir, ça. Hey! J'aimerais avoir juste 8 ans pour avoir ça. Ben! J'en veux tellement. Ben! En fait, c'est que c'est une impression lumineuse. C'est pas à chaque fois qu'on éternue non plus. C'est causé par la stimulation de la masse visqueuse derrière l'œil. Donc, quand il y a une forte pression, puisqu'on éternue, la masse visqueuse vient se frotter contre la rétine et on interprète ça comme une lumière. C'est dégueulasse. Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Excuse. T'es sûr que c'est pas une joke de visqueuse, ça? Je pense que c'est les deux en même temps. Donc, l'éternuement. Moi, ça start le matin. Moi, je reboot mon système le matin. J'éternue 4-5 fois en ligne. Là. Tu fais des mises à jour de Windows, puis ça prend 4h30. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont toujours éternuer comme deux ou trois fois d'affilée, puis tout le temps comme le même. Non, moi, je trouve ça fascinant. À peu près trois fois d'habitude, 3 à 4 mois. C'est pas mal ça pour fascinant. Moi. Fascinant. C'est assez étonnant, ça. Mais il y en a qui c'est vraiment un après l'autre, là. Pam, pam, pam. Ma belle-sœur, c'est 5. Ah oui, toujours sur la même rue, c'est tchoum, tchoum, tchoum, tchoum, tchoum. Elle va trop loin. Je trouve ça drôle. C'est bon, ça. Il y en a qui éternuent vraiment super aigus par rapport à ce que tu t'attendrais d'eux autres. Ou vraiment gros. Oui, là, oui. Des filles qui éternuent vraiment. Tu sais, ou qui se mouchent super fort, là, que t'es comme wow. C'est charmant. Ouais, super. Hein? Ouais. Donc, c'est ma partie corps humain de la lettre E. Maintenant, puisque vous avez parlé de copier-coller de l'argent, j'ai bien aimé ça, cette idée-là. Ben, dans le domaine des technologies, commençant par E, l'email. E-mail. Oui, les mailles, comme je l'appelle. Les mailles. Ouais. C'est quand que ça a été créé, ça, l'email, à votre avis? Il doit faire un crustu de bois. Ouais, sûrement par un dentiste, là, j'imagine qu'il a appelé ses mains. Hein. Sûrement, ouais. Sûrement. Je sais pas, les années, c'était bien avant Internet, là, ça, j'imagine. Ça doit être comme fin 80, tu sais, avant que ça soit sur le marché. Sûrement le DARPANET, ces autres trucs-là. Ah! Des spoilers! On est pas loin. Années 80, je dirais fin 80. 6. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Avant, 1971, à l'automne 1971. Ben oui. Puis ARPANET, on était pas... Hey, c'est plus vieux que toi, Mathieu! C'est rare, hein? T'es chanceuse de vivre ça, quelque chose de plus vieux que moi. Oh, y'a là! Fait que c'est en travaillant pour le gouvernement américain sur le réseau de communication ARPANET, l'ancêtre d'Internet, que Ray Tomlinson, ingénieur chez BBN, donc BBN, c'est Bolt, Beranek and Newman. Balkenbar. Tu peux acheter du chocolat en vrac, là, je pense. Il a eu l'idée de créer l'email à l'automne 1971. Donc, il associait deux programmes pour échanger des messages et des fichiers. Le premier email qui s'est envoyé, ça y a pris 200 lignes de code pour venir à bout de se l'envoyer. Quand même, hein, ben c'est sûr, ils sont de même, eux autres. LOL. C'était LOL, LOL, LOL, tout le long. Je trouvais ça bien drôle. Quand même, c'est long. Deux boîtes aux lettres, deux ordi et a créé le procédé de l'adresse email. Et son courriel à lui, c'était Tom Linson à commercial bbn-tenexa. À l'époque, hey, ça marche encore? Non, c'est ça. À l'époque, il n'y avait pas de .com, .ca, .. Mais c'était des premiers, comment ça qu'il n'y a pas juste pris Tom à commercial le reste? C'est pas vrai, il y avait la chance. Il n'y avait pas de besoin, oui, c'est ça. Même pas de chiffres, rien. C'est... Quand même. Donc, c'est devenu rapidement prisé des informaticiens. Et à l'époque, ça s'appelait des Netmails, abrégé de Network Mail. 75% du trafic d'ARPANET en 1973, c'était des Netmails. En 1975, John Vital a inventé Messenger. L'Internet commercial s'en est emparé en 1978 et le premier spam a été envoyé cette année-là. En 1980, les universités et les centres de recherche ont fait « Hey, hein, c'est intéressant cette histoire-là! » Fait qu'ils ont embarqué dans la machine. Et Scott Fallman, que j'aime bien, en 1982, a inventé les Smiley! Ah, yeah! Ah, ouais, tant que ça! Tu sais, là, moi, je me dis, il y a sûrement d'autres mondes qui ont comme fait « Je vais mettre un deux points, puis une ouverture, une fermeture de parenthèse. Un à côté de l'autre pour faire un sourire. » Mais lui, là, il a dit « Hey, moi, je trouve que ça ressemble à un bonhomme sourire, puis me mettre un... » brevet là-dessus. Tu sais, toutes les autres avant lui qui ont fait ça, ils ont dû se faire... Oh. Ah, ça causait tellement de problèmes d'interprétation sans ça que c'était nécessaire. Ouais. Puis en 1985, les .com, .ca, .fr, etc. sont arrivés. C'est quel le premier logiciel de messagerie, là? Logiciel, pas un site, là, qui a été créé? C'est lequel? Logiciel. Le caramel. Non, ben, ça. Ben, pas un site. Ensuite, avec quelque chose avec Netscape. Avant Netscape, parce qu'avant Netscape, il y avait quoi? Mosaïque, computer, genre, peut-être que ça avait rapport nous à autres, ça. Nous autres, on l'avait à l'université jusqu'à il n'y a pas si longtemps. ICQ? Non. IRC? Non. Non, c'est des sites de chat. Ah, attends. Ça commence par eux, justement. Pas Eudora. Ben oui. Ben. Eudora. Il y en a qui s'en servent encore. J'en connais très proche de moi. Nous autres, on l'avait jusqu'à il y a à peu près 2 ans. C'est tellement pas utile et efficace comme le chien. Tu regardes ça, là, puis c'est vraiment... c'est vieux, là. Ben, c'est mieux qu'Outlook, là, on va se dire, mais... Non. Donc, en 1988, Eudora. Les systèmes de messagerie, 1994, Netscape Mail. 1996, Hotmail. Outlook, 2004, et Gmail. Combien de courriels sont envoyés par jour dans le monde, à votre avis? Sûrement des milliards. Hein? Ça doit être un nombre terrible. 3 milliards. Juste en spam, là. Plus que ça. Plus que 3 milliards. Plus que 3 milliards. 5 milliards. En fait, ajoute 2 zéros. 300 milliards. 548 billions. 294 milliards d'emails. Hey, ça n'a pas d'allure. Et pourcentage de spam, sûrement... dans le assez élevé. Sûrement 80 facile. Et de photos exagérément grossies. Ben, c'est ça. C'est bon, tu veux dire dans le sens d'une large sur... Hein? Quand tu dis exagérément grossi, c'est dans le... C'est une photo de quelqu'un, là, puis il l'a comme pas mis en format... puis là, il faut que tu promènes ta flèche dessus pour l'avoir au complet, là. Des photos, tu sais, dans le temps, là, quand tu téléchargeais une photo, puis qu'à un moment donné, ça arrêtait, puis il y avait un X dans le coin. Ça disait, tu peux pas la regarder. What? Donc, hey, on s'en va entendre une petite musique que tu as amené de The National, Véronique. Oui, The National. Donc, c'est un petit groupe que j'aime bien. Je trouve que ça sonne un petit peu comme le chanteur a une voix à la Leonard Cohen. Moi, c'est ça que j'apprécie bien. Ça va être la 6, Blood Buzz Ohio. On écoute ça dans le Véronictionnaire. Ohio in a swarm of bees. never marry. But Ohio don't remember me. Leave my head on the hood of your car. I take it too far. Leave my head on the hood of your car. I take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blood. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. To Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. Les micros sont pas ouverts quand on parle de bande-annonce de Fifty Shades of Grey. Toujours avec Véronique Mire du Vérictionnaire. C'est la lettre E aujourd'hui. Oui! C'est éphémère comme lettre. Ah oui! C'est éperdument intéressant. C'est excellent. Époustouflant. Époustouflant. Je pense qu'on a fait le tour des mots. Éclairant, tiens. Ah! Allons-y avec éclairant, puisque mon prochain mot, c'est les éclairs. Ça, c'est intéressant, ça, parce qu'il y a tellement de mythes par rapport aux éclairs. On entend tout le temps parler là, d'histoires d'équipes de soccer au complet qui se sont fait tuer par les éclairs. Oh! Ça arrive. Moi, quand j'étais petite, j'écoutais la météo, j'entendais qu'il allait avoir des éclaircies. Je pensais que ça annonçait des orages. Je l'ai trouvé donc mauvais, la météo! C'est bon, ça! Des éclaircies, le cas échéant, genre, ouais. C'est ça! J'étais certaine que ça avait rapport avec les orages. Ouais. Que veux-tu, quand t'es naïf? Ça commence par la même affaire, tu sais. Quand même. Ben moi, ma question que je me suis posée, c'est pourquoi les éclairs ne sont-ils pas droits? Ah, le zigzag! Ben c'est pour faire un cute. Zigzag. Moi, c'est ça, ça serait pas super beau. Mais c'est tout le temps en zigzag. Des fois, c'est pas tout le temps en zigzag. C'est comme en arbre, en racine d'arbre. Ouais, ça peut être en arbre. Ça, c'est beau. Mais il n'y a jamais de spirale. Ouais. C'est tout le temps des angles. Oui. Une spirale, puis il se réélectrocute lui-même en haut. C'est un boomerang. Il remonte, tac. Alors, pourquoi ils sont pas droits? Ben premièrement, un éclair peut être long de 5 km. Aïe, c'est quand même assez long. En fait, c'est le choc... Il y a des grosses mains, Dieu! Oui. L'éclair se produit quand quand il y a le contact entre un nuage à charge positive et un nuage à charge négative. Et l'éclair cherche le chemin avec le moins de résistance possible pour se rendre jusqu'au sol. Et souvent, dans l'air, il va pogner ou, si on veut, contourner des poches d'humidité. Alors, comme il cherche le chemin le plus rapide et le plus sec, il contourne les poches d'humidité, ce qui donne la forme toute croche là, d'un éclair. Ouais. Voilà. Ah! Tout simplement. Tout simplement. Je pensais que ça faisait une meilleure pogne à Zeus, justement. Parce que si ça avait été toute lisse, ça y aurait comme glissé des mains, ça aurait tombé n'importe où. Tellement mythologique, toi. Mythologique. Et la tour du CN est touchée 75 fois par année par l'éclair. Et Seigneur! Ah oui, mais... Wow. Mais s'il y a des bonnes bandes de cuivre et tout ça, ouais, des précautions pour la protéger. Prises, ouais. Ouais, il devait s'en douter. Ouais, à hauteur cassée, hein. Donc, éclair de génie, Einstein! Ah, je pense que tu allais nous amener vers Hitler, genre éclair, Hitler. Non. Éclair de génie. Oui, parce qu'on sait que Hitler, ça commence par E. Ben, évidemment. Oui, tout le monde sait quand ça. Même. Hitler. Hitler. Hitler. Hitler, comme Hitler. Il est quel âge, Hitler? Il est Hitler. C'est ça. Il est Hitler. Hitler. Ah, non, c'est pas. Quel est le QI moyen de la population? Dans le coin de 100... C'est pas 110, genre? Ouais. Ben, pas loin. 90 100, 100. À 110. 90 à 110. OK, j'ai plafonné là, la population. Là. On aime ça. Celui d'Einstein était à 160, évalué à 160, hein, parce que dans ce temps-là, il oui. n'y avait pas de test. Et ça, c'est selon si vous croyez au principe des ouais. intellectuels, un peu comme parce les codes d'écoute. C'est très controversé, comme les intelligences multiples et tout ça. Ouais. Mais Einstein, c'est pas le plus intelligent. Hein? Qui pensez-vous qui était supérieur en termes d'intelligence à Einstein? Moi, je dirais M. Heinz Stein, qui était le créateur du ketchup. Oh. C'est un génie. Est-ce un que ça couvre comme toute la vie, genre? Toute la vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire toute l'histoire, là. Mort je veux dire, t'as-tu une date de péremption? Ouais. Le plus intelligent, Stephen Hawking, clairement. Non, Léonard de Vinci. J'ai pas les QI de toutes les grands. Je crois qu'il croit pas à ça, il me semble, Stephen Hawking. Tu disais, toi? Léonard de Vinci. Ben oui. Léonard de Vinci avait un QI évalué à 220. Hey, Einstein était à 160. Il était plugué sur 220. Léonard, là, 220. Galilée, 185. Et Mozart, 165. Fait qu'Einstein, c'était pas évalué le plus brillant, mais c'est bruyant. Le plus brillant, mais bon, c'était quand même juste une évaluation. C'est les plus brillants, on pourrait dire. C'est-tu Léonard de Vinci le top? Ben là, dans ce que j'avais trouvé, c'était lui. Il était évalué à 220, quand même. J'aurais aimé ça voir celui de Picasso aussi. Souvent, les artistes vont coter haut dans les dans les vrais, là, ouais. Tu sais. Léonard de Vinci, là, il était tellement intelligent que son surnom, c'était Léonard 220. Oh. C'est pas ça, hein? Hi-hi. C'est parce que c'est pas vrai. Comme ça, Léonard 220, mais Stephen Hawking, c'est pas fou, ça. Oui, vraiment. Lui, il doit l'avoir mesuré, c'est sûr, là. Fait qu'on pourrait ça doit même pas, ça doit péter complètement le mais le 220, je sais pas. Léonard de Vinci, c'est mon Dieu, tu marques QIS, puis ça te sort son nom tout de suite. Le plus gros QI actuel. Ben voilà. Donc, Einstein est né le jour de Pi, le 14 mars. Cool, 3 pas 14. Intéressant. Mmh. Ouais. Ses cendres sont éparpillées dans un lieu tenu secret, conformément à son testament. Mais son médecin légiste, le coquin, a conservé son cerveau et ses yeux contre ses volontés. Donc, assez spécial. Mais t'as vu que parlant de la journée de Pi, 3.14, oui, 15, ça s'en vient, mais ça va être la spéciale parce que ça va être vraiment les chiffres complets avec le 15 pour l'année à la fin. Wow. 3.14, 15 et là, l'heure précise de la journée. C'est genre super rare. Comme énormément. Ben, c'est sûr. Hey, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai trouvé son QI à les plus gros QI actuels. J'ai comme un top des QI. Stephen Hawking est évalué à 160. Comme Einstein. Ouais. Mais tu sais, quand même. Mais sinon, il y en a d'autres que je connais pas, genre Kim Un-young, 210. Mais je sais pas c'est quoi qu'il a fait. C'est un enfant prodige de je sais pas trop quoi. Ah, a travaillé à la NASA en tant qu'adolescent. Ah, ben. Mon Dieu, le petit maudit. Pas la laine non plus. Cofondateur de Microsoft, 170. C'est pas le gars qui fait les juteurs là, à TV, les infopubs, Monsieur Lalaine. Jack Lalaine, il est pas là-dedans. Mais ma fille n'a vu les plus intelligentes au monde. Rick Rosner, connaissez-vous ça? Non. 192. Non. Hein, comme quoi être brillant des fois, ça fait pas ta célébrité. C'est ça. Gary Gasparov. Ah, ça, c'est le gars des échecs, ça, je pense. Ça se peut, oui. Okay. 190. C'est quand même, là. C'est pas des deux de pied. Hey, il y a une femme à 170. Ah, ah, ah. Judith Polgar. Eh ben. Puis, Ah, échec aussi. Enfant prodige. Cool. Bon, ben, OK. Alors, Léonard de Vinci cote haut. Léonard 226. Hey, j'en ai un qui torche, là, Léonard. Qu'est-ce qui torche? Terence Taro, Tatao, à 230. Wow, 230. Pour vrai, je savais pas que l'échelle se rendait jusque-là. Mm-hmm. Il doit l'avoir fait exploser. Probablement. Ouais. Non, c'est toujours à être au oui, donc Einstein, son intérêt pour la science aurait débuté à l'âge de 5 ans alors qu'il a eu une boussole qui l'aurait captivé. Et ça a été confirmé à l'âge de 13 ans quand il a reçu la petite bible de la géométrie. Oh. Il a fait « Oh, taboy, la science, ce n'est pas rien ». Il serait directement l'inventeur des réfrigérateurs. Ben, en fait, lui et Léo Szilard, un physicien hongro-américain, ont inventé un réfrigérateur qui n'utilise pas de fréon, mais seulement le butane, l'eau et l'ammoniac. Ouais. Donc, se contenter d'une source de chaleur et pour fonctionner sans électricité, même à l'énergie solaire. Alors, en 2008, on a eu un intérêt renouvelé envers ce frigo-là, parce qu'avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, l'environnement et tout ça, et les gens qui n'ont pas d'argent, etc., ben, ça pourrait être une invention intéressante à remettre au goût du jour. Pourquoi les fusées sont-elles lancées au niveau de l'équateur? Équateur? J'avais même pas remarqué. Mais pas ben toutes. Oui. Okay. Certaines fusées. J'imagine que ça dépend où elles vont. Non? Ça dépend en partie, oui, en partie. Une partie de réponse, oui. Les satellites qui sont envoyés en orbite géostationnaire sont envoyés à partir de l'équateur parce que sont localisés à cet endroit-là. Je vais justement dire pour peut-être éviter les satellites, mais non, ils sont tous là à l'équateur. Oui, c'est peut-être à cause de l'axe, tu vas avoir comme une moins grande couche d'atmosphère à traverser, ah, quelque chose comme ça. Peut-être, peut-être. Ben, en fait, c'est parce que la Terre tourne le plus rapidement à ce niveau-là. Okay. Donc, ça donne une vitesse de propulsion plus rapide à la fusée, moins de chances de se crasher. Mm-hmm. Moins de chance, ça veut pas dire que ça j'avais déjà entendu ça, mais c'est pas nécessairement le genre d'information qui s'incruste. Non, hein? Non, non, ben c'est super ça. Bien. Donc, il y a plusieurs sites de lancement de fusées à travers le monde. Ils sont pas tous à l'équateur. Il y a en Alaska aussi, là, qui est vraiment pas à l'équateur. Donc, les Américains privilégient le Cap Canaveral en Floride, évidemment. Les Français, c'est à Kourou, en Guyane, qui est à 5 degrés nord, donc vraiment collé sur l'équateur. Et les Russes, ça va être à Baïkonour, au Kazakhstan, qui est administré par la Russie, 46 degrés nord. Donc, voilà. Toujours dans l'espace, comment explique-t-on que l'espace est silencieux? Ouais, puis qu'on essaie dans les films de nous faire comme des sons là. Quand il y a des guerres dans l'espace, pow, pow, pow, tout ça, ben non. Un piou piou dans Star Wars. Piou piou piou. Mais c'est pas l'air qui va transporter le son, puis il n'y a pas d'air, genre. Non, c'est pas tant l'air. Star Wars, c'est des pires en plus, parce que Star Wars, il va y avoir une explosion dans l'espace, puis ils vont attendre comme une demi-seconde pour faire boing, genre. Comme si, genre, c'était plus réaliste d'avoir un délai. Ça vient nulle part. Ben oui. Il n'est pas supposé d'avoir d'air. Ben, l'air, quand même, l'air, on peut dire que c'est considéré comme une molécule. En fait, le son, c'est une onde, puis il a besoin de molécules pour se faire entendre. Si on pense, on fait une analogie, là. Imaginez une file de personnes qui jouent au téléphone arabe en se murmurant une phrase. Si on retire les personnes qui jouent le rôle de molécules, la phrase qui est longue ne peut pas se propager. Ah. Donc, puisque l'espace contient des molécules, mais une quantité très minime, le son ne peut pas se propager dans l'espace. Mais si ça a donné, mettons, qu'il y aurait deux molécules l'une à côté de l'autre, là, il s'en dirait-tu des affaires, ça? Mettons. Un petit point comique. Les escargots. Ça, c'est délicieux dans du beurre. Honnêtement, y a-tu quelqu'un qui a déjà mangé ça ailleurs que dans du beurre à l'ail gratiné? Je vais me faire un sauté d'escargot avec des champignons. Ben, j'ai jamais. Non, mais j'ai jamais. Mais ça pourrait être bon. Ben oui, mais il y en a plein de recettes à faire avec ça. Mais non, naturellement. Tout le monde va faire ça. Bon. C'est ben la oui, chose. Quand même. Ben, les escargots ont une ou deux paires de tentacules rétractiles qu'on appelle des cornes ou des antennes. La partie supérieure contient les yeux, mais les escargots ne regardent pas vraiment. Là, ils se servent surtout de leur. Instinct. Pas leur nez, là, mais bon, organe olfactif et tactile qui est contenu dans la deuxième paire de cornes. Parce que quand on regarde un escargot de proche, on voit que souvent, il y en a deux sur le dessus de la tête et deux par en bas. C'est donc, pas faire ça, regarder un escargot de proche. c'est cute! Une fois cuit, oui, une fois cuit, c'est cute. Oh. Mais avant ça, quand tu sors de la canne... Ouais. Mais peut-être dans le film là, avec des escargots, là, c'est quoi? Il y a un film. Turbo! De... Oui. Là, ils sont cute. Hein? Oui, mais là, c'est tellement un bon film. Ouais. Turbo! C'est vraiment bon pour vrai, où j'ai trippé. Tu l'as pas vu? Moi non plus. C'est vraiment bon, écoute ça. Bon, ben, je vais mettre ça sur ma liste de la semaine de relâche. La coquille de l'escargot a une forme hélicoïdale, là, en forme de spirale. Et généralement, la spirale va tourner vers la droite, alors on dit que la coquille est dextre. Ah ouais, puis mettons, en Australie, dans l'hémisphère sud, est-ce que ça tourne l'autre bord? Ben, il y en a qui ont une coquille de forme anormale ou rare, ils sont plus rares, okay. Qui tourne dans l'autre sens, à l'envers. Ça s'appelle une coquille sénestre. Moi, là, si j'étais un escargot, j'aimerais ça avoir une coquille sénestre parce que je trouve que ça sonne comme un roi des escargots. Oui, vraiment. Moi, j'ai la coquille sénestre. Donc, ensuite, elle se déplace vers l'avant seulement. Ils n'ont pas de reculons. Non. Ils ont-tu un droit de gauche? C'est à perpétuer le rêve. Tu t'enlignes sur de quoi, là, pour t'es pas aligué comme du monde. Si vous revenez, il faut que tu fasses un rond pour revenir. C'est plat, c'est plat. Oh boy. Donc, vers l'avant, grâce à son pied, qui est en fait un gigantesque muscle. À votre avis, les escargots se déplacent, à part Turbo, là, à quelle vitesse normale? 0,000001 km/h. Ben, je pense de 2,03. Ah, une peut-être, unité hein. Un peu plus proche là, de la grosseur de l'escargot qu'un kilomètre. Là. Centimètre à la minute. Ah, mais ben, quand même plus vite que ça. Ah ouais, ouais. OK. Wow. Ben oui. Un petit peu plus vite, là, pas écœurément plus vite. 5, 10 cm. 1 mètre à l'heure. 6 cm par minute. Cool. Fait qu'à l'heure, ça fait 60 cm. C'est pas pire. Presque 1 mètre. Ah. La durée de vie d'un escargot dans vie là, normale est de 3 à 7 ans. Mais en captivité. Ah, autant que ça? Ouais, quand même. Surprise. De la naissance cargot à la mort cargot. La mort cargot. L'escargot, ouais. Mais en captivité, ils peuvent vivre 10 à 15 ans, même plus de 30 ans. Mais ça, c'est s'ils sont gardés pour être observés ou dans un... Mm-hmm. Parce que il y en a qui sont en captivité parce qu'on utilise la bave des escargots pour créer certains cosmétiques parce qu'il y a du collagène dans la bave des escargots. Attention, si vous utilisez des produits à base de bave d'escargot, là, c'est de la cruauté animale, comme beaucoup de produits cosmétiques, parce que pour collecter la bave des escargots, il faut leur donner des chocs électriques. Arrête donc! Mais là... Parce que sinon, ils ne produisent pas de bave demain. Wow! Donc, voilà. Puis quand t'es fait gratiner, si tu considères comme de la cruauté? Non, on peut dire qu'ils ont donné leur corps à la gastronomie. À la science culinaire. C'est ça, parfait. Dans ce temps-là. Ouf, me sens mieux. Les escargots, là, moi, je savais pas ça, mais c'est des grands romantiques. Ah. Avant de s'accoupler, ils vont se faire une cour de 2 à 12 heures. Ouais, mais ça, c'est juste parce qu'ils sont pas vite. C'est ça. Faut que ça aligne comme du monde. Faut que ça rentre quand même, ouais. C'est long. Donc, voilà pour les escargots. On a parlé d'email tantôt technologique. Pourquoi, des fois, quand on a une page qui affiche pas, là, on a l'erreur 404 qui apparaît? Il y en a beaucoup plus que ça, des erreurs, mais on les voit tout le temps, celle-là. Mais c'est celle-là qu'on voit le plus. Page not found. Ouais. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est quand la page n'existe plus, il y a l'erreur 404 qui apparaît. Mais on peut avoir plusieurs messages là, quand on envoie une page là, à transmettre. Donc, les messages de type 100 sont des messages juste d'information. De 200, ça veut dire que c'est un succès, ça s'en vient. 300, c'est une redirection. 400, ben c'est une erreur liée au client. Donc, vous avez mal rentré la page ou c'est une page qui existe plus. Bon, c'est ça. Tout de suite, on est accusé. Puis 500, ben c'est lié au serveur. J'ai fait le test chez nous parce que j'ai jamais vu ça, des 100, 200, 300. Ouais. Ça a toujours été des 400. Puis, on les voit pas si on a un Internet qui est rapide. Ah, parce qu'il masque, il te le montre ben pas. Ben oui, c'est ça, t'as pas le temps de l'avoir. Ce que je trouve surprenant, c'est les erreurs 200 pour dire que c'est un succès, ça s'en vient. C'est comme une erreur pour annoncer non, un futur succès. Non, c'est un message. Un message. C'est pas un message d'erreur. Ah, d'accord, OK. En fait, c'est des messages de protocole HTTP. C'est voilà. Pas nécessairement une erreur. OK. Deux petites choses pour terminer avant mon vocabulaire en bref. Ouais, ouais. Enlever une écharde. Hein? Ça, c'est le fun. Ben, c'est quand même plus agréable de l'enlever que de la rentrer. Ouais, tout en train de te mettre des écharpes dans les pouces, là. C'est normal que ça te fasse pas. Arrête d'en mettre. Ah, je m'excuse. Ouais. Arrête. Mais si on est chanceux, avec une pince à épiler, on peut l'enlever assez facilement. Mais la majorité du temps, si on n'est pas très... si on n'a pas une dextérité fine très développée, on va la rentrer plus que l'enlever. Donc, Avec quel outil t'as dit d'enlever ça? Conseil, une pince à épiler. Ah, c'est ça. Je pensais que c'est une affaire à patate pilée. Ah, ouais. Ah, avec tout, tu trempes le doigt. Ça marchait pas. T'enlèves tout, tant qu'à y être. Ben, non, t'es sûr que tu l'as pas enlevé avec ça? T'as sûrement juste enlevé d'autres choses avec. J'ai plus de doigts, t'as pas remarqué? Plus d'empreintes. Avec quoi tu pinces la console? Mes pieds, ma chère. Oh, phew. Parce que tu manges des je sais pas quoi, comme dans la pub à télé. Hein? Le gars, il mange des chips, là, puis... Ah oui, il pitonne avec ses pieds. Ah oui? Ah, c'est mon genre. C'est mon genre. Ben, plutôt qu'essayer avec une pince à épiler ou de demander à quatre personnes là, qui vous croisaient « Hey, peux-tu essayer d'enlever mon écharpe? » Ben, je vous recommande de vous faire un emplâtre de bicarbonate de soude et d'eau. 3 volumes de bicarbonate pour un dos qu'on enrobe de saran wrap. 2 heures et l'écharpe remonte à la surface. Un peu de tempura, puis tu mets ça dans... À friteuse. À friteuse. Mets-le dans le micro-ondes. Ouais. Ah, wow, c'est intéressant. Essayez ça. Ça peut avoir l'air long, 2 heures, mais c'est moins long qu'essayer de gosser après puis se faire mal ou bien juste attendre. Ouais, non, des fois, c'est juste pas possible d'enlever. Là. Mm. Des fois. Donc ça, ça fait remonter. Évitez d'entartrer une bouilloire. Hein, une bouilloire, wow. Là, tu sais, il faut faire attention. À un moment donné, il faut la nettoyer parce que c'est dégueu, hein. Prends du nez et du bicarbonate de soude. Pour la désentartrer, mais si vous voulez éviter de l'entartrer... Ah! Tu fais bouillir ton eau avant de la mettre dedans, comme ça... Moi, j'avais un fantôme de mon grand-père qui était comme ça, puis il disait « Bouh! » Mais là, on a découvert plus tard que c'était bouilloire qui disait, puis c'est des conseils pour détartir une bouilloire, puis je suis sûr que c'est ça que tu veux dire. Ben, peut-être. Est-ce que ton grand-père était un marin? Peut-être! Ben, en fait, vous pourriez mettre une coquille d'huître lavée, évidemment, dans le fond de votre bouilloire. Une coquille d'huître? Ouais, ben, ou un coquillage, là, quelconque, bien nettoyé. Et le caca va aller se coller sur ça plutôt que vous accumuler dans votre bouilloire. Voilà. Boum. Ben, ce qu'ils vendent au Dollarama, ça marche-tu? Des coquillages, ben, je pense, sont en plastique. Je sais pas si c'est des... Il y en a des vrais? Ben, je me sens que oui. Ah, ben, faudrait essayer. Ben oui. On va essayer ça. Une moule, ça marche-tu? Faudrait l'essayer longtemps. Oui. OK. Oui. Et pour terminer, vocabulaire en bref qui va conclure ma lettre E. Hein, donc, on sera à D la prochaine fois. Je retiens pas. Sûrement pas. 5 petits mots qui ont attiré mon attention. Alors, le premier mot, c'est égression. Qu'est-ce qu'une égression? Ah, on peut pas faire de blague avec ça. Non. Je sais pas, j'ai pas eu de blague pantoute. C'est comme régression, comme l'inverse de régression. C'est quand tu égresses, là. Ou c'est quand, c'est quand tu manges trop puis t'égresses un petit peu. Hey, ben, manger, on non, est pas loin. C'est une joke raciste, hein? Égressiste? Une égresse. Oh, quoi? Une égression, c'est pas ça? Quoi? Ah, mais non, mais avec manger, on n'était pas loin, hein? Parce que égression a rapport avec les dents. Donc, c'est l'évolution de nos plusieurs dents qui, n'ayant pas d'antagoniste là, de dents vis-à-vis, va quitter son plan articulaire normal, ce qui va te donner l'impression que la dent sort de son alvéole. Si c'est pour ça que si tu te fais enlever les dents de sagesse en haut, ils t'enlèvent celles-là en bas, même si sont corrects. Non? Oui. Moi, c'est l'inverse, moi, c'est vrai. Je me suis enlevé ceux d'en bas, mais celles d'en haut, là. Non! Ils enlèvent celles d'en bas, puis après, ils t'enlèvent celles d'en haut, pas l'inverse. Ah, moi, j'ai gardé ceux d'en haut, mais j'ai plus celles d'en bas. Ah, non, il y avait rien pour accoter dessus, fait qu'il a enlevé le kit. Ah, ben, colique. C'est bon. Ah, wow. Qu'est-ce que c'est que emblaver? Emblaver. Ah, j'ai tellement faim que j'en blave. Non, moi, je pensais que c'était plus quand tu travaillais sur quelque chose puis ça marchait pas, fait que t'en blavais. Ah, ouais. Plus dans ce sens-là. Oui, ou encore quand tu vas sur Internet, tu marques « ablaver, point, c'est point, c'est là. » T'es un petit peu mongol. C'est une nouvelle lettre, nos auditeurs. En blaver, en fait, ça vient de blé. Ensemencer une terre en blé ou toute autre graine, tout simplement. Donc, voilà. Ah, ouais, toute autre graine aussi, ben. Toute autre graine. Ouais, magie. Est-ce que tu peux emblaver ton lit? Tu mets des graines dedans? Peut-être. Ah! Toute autre graine. Hey. Non, elle dit toute autre graine! Ou toute autre graine. Mais comment est-ce qu'on sait quand je dépasse les limites si les tiennes sont aussi... En tout cas... Moi, j'ai dit que tu dépasses... Oh, je te le dis, live. C'est ça, c'est juste drôle. On a chacun nos limites. Ouais, c'est chacun c'est nos limites. C'est personnel, les limites. Ensuite, en Belgique, vous entendriez quelqu'un dire... Il nous a livré cette marchandise en déant. Qu'est-ce que voudrait dire en déant? C'est pas dans Rocky, ça? En déant! Ah oui, c'est ça. Ou c'est pas dans La Petite Vie, en déant de la vallée? En déant de la vallée, c'est la femme de Marcel Lévesque, c'est ça? C'est pas ça. Hein? C'est pas... Oui, dans Vraie Vie, là, pas dans Petite Vie. Pas dans Petite Vie, c'est ça. Bon, ben, en déant, on pourrait le réutiliser ici, ça veut dire dans le délai de. Alors, quand c'est dans le délai qu'on voulait, on dit que c'est en déant. Mais ça fait tellement campagne, hein? Vraiment? On devait... Ça doit être quelqu'un qui en blave son fils. En campagne! Mais c'est une expression qui est très, très dans le déant. Ça marche pas pour tout ça. Enviner, ça veut dire quoi, ça, enviner? Ça, c'est le réseau social Vine sur Internet. Là, t'as enviné une photo, une vidéo. Oui, non, je suis d'accord. C'est ça. C'est la réponse ultime. Ça se dit d'un récipient qui a pris l'odeur du vin. Ah, enviné. Trop facile. Et finalement, épistaxie. Épice taxi. Hey, ça, c'est loin, là. Ça, c'est quand tu fais livrer ton épicerie en taxi. Ah. Ou tu fais livrer du poivre en grand moulinet. Fait que t'as un poivre. Comment ça s'appelle? T'éternues. Épice taxi. Et puis t'as épicé ton taxi. Épice taxi, ça. Ah. Que veut dire épice taxi? Donc, du grec épi, qui veut dire sûr. Et taxi, qui veut dire écoulement. Alors, c'est simplement un saignement de nez. Hein, c'est c'est quand tu vas au magasin puis finalement Mais c'est ça quand tu sniffes du poivre à un moment donné quand t'es dans le micro, c'est tout relié, on boucle la boucle, c'est pas merveilleux. Voilà. Donc c'était voilà. Quoi, dire, Mathieu? Ah non c'était pas très drôle, t'as bien fait de me couper. Non, c'était quand tu vas au magasin puis tu réalises que finalement c'est vraiment très très très cher avec le shipping tout ça, fait que c'est plus taxi parce que t'as le segment de nez qui vient avec. C'était pas drôle. Parce que t'avais oublié de calculer les plus taxes. Plus taxes. Le shipping. C'est bon. C'est tout. C'est tout. T'arrêtes là. C'est un peu. T'as juste fait une heure de chronique. C'est un peu. J'essaie de trouver des mots en E encore, parce qu'on a trouvé beaucoup depuis le milieu et le début de la chronique. Moi, je trouve que ça s'est écourté. Écourté? Ouais. C'était. Ça nous laisse. En extase. Hein? Que ça se soit écourté? Non, que ça a été bon, oui. OK. Allô? Pas des liens. Ouh, ça, c'était vraiment ta meilleure de la semaine. Hey, là, j'en ai noté comme 7 là, juste dans la chronique. Là. Mais pas celle-là. J'ai-tu noté celle-là? Non, j'ai pas noté celle-là. Ablever. Ça, j'ai noté. C'est ça. Bon, il y avait la tienne, Steph, que je répéterai pas en nombre pour cause de diffamation. Le tempura, les pinces à piler. Léonard 220. les jeux de mots de gomme qu'on a fait, puis persévérance vasculaire. J'ai noté ça. Pour votre information, ce sera dans un instant classique. Ça, c'est dans, le Mathieu Actionnaire, ça? Non, c'est ce que je mets dans les meilleurs moments à chaque semaine. Je pensais que t'avais aussi un Mathieu Actionnaire. Non, j'ai pas ça. Je devrais. Sonne moins bien, par contre. Puis à la sur des jeux de mots poche, dont certains à la Guy Mongrain. Fait que je peux pas vraiment m'en servir. Merci, Véronique Mille. Ben, ça me fait plaisir. Dans deux semaines. Dans deux semaines. C'est comme les taxis, tu sais. Ouais. Plus taxi. Joe le taxi. Ouais. Hey, on se quitte avec une pièce d'un artiste qui commence par E. Oh! Donc voici Yann Machino et Young Hold. Merci. Bye. Hello. Adios. Bye-bye. Arrivederci. I'll be back by the evening. But something to stand. Door. Charlotte, Magino et Young and Old, assemblage requis. On prend une petite pause au retour. On a la chronique de Frédéric Bernard dans quelques instants. Crackpot TV. Ah! Assemblage requis. Merci là. Fou de découverte. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, ce mercredi 4... on est quoi, mars 2015? Ben oui, mars. Je sais pas pourquoi j'allais dire... 4 barres de chocolat. J'allais dire soit février ou avril, j'étais comme entre les deux, mais c'est mars, clairement. Non, reviens. Avril, ça va, reviens pas en février, non, s'il vraiment vous plaît. Pas. Mais moi qui ai passé vite, étant donné qu'il est court, mais qui était comme le plus long physiquement, pareil, ça. Parce qu'il était épuisant. OK, physiquement, dans ce sens-là. Oui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, là, on était bien, là, ce matin. C'était le bulletin météo. Puis il y avait des petits oiseaux. Ah oh, ouais, mais indice de pollen, zéro. Petit oiseau, 4. OK. Puis neige, nul. 7. Morve nulle, non? Morve nulle? Ouais. Pas tant de morve. Non, ça va. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est la journée où on a deux gros morceaux en début et en fin d'émission. On vient de vivre une heure avec Véronique Meir. Ben, un petit peu moins, mais à peine. Et on va vivre probablement proche d'une heure avec Frédéric Bernard dans quelques instants. Donc, en sandwich entre les deux, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc, on va juste passer le temps très rapidement avec une petite chanson, encore une fois. On va aller écouter une pièce de King Gizzard and the Lizard Wizard. Voici Cellophane pour bien se conserver entre ces deux chroniques. Entre les deux, mon cœur chronique. Comment c'est? Hey, Frédéric Bernard, là, c'est un bro-nick. C'est un bro-nickard. J'ai commencé à appeler ça de même cette semaine. C'est un bro-nickard. T'as de l'attitude. Je vais arrêter tout de suite. Yeah. Wizard and the Lizard Wizard et Cellophane sur l'album I'm In Your Mind Fuzz. C'est une nouvelle entrée. En fait, j'allais dire, j'ai commencé ma phrase par c'était une nouvelle entrée. Donc, je dois continuer ma phrase comme ça. C'était une nouvelle entrée il y a 7 semaines. Ça, c'est vraiment au bas du palmarès. Ça. Fait que c'est pratiquement une nouvelle sortie, finalement. Pratiquement une nouvelle sortie. C'est tellement pas nouveau que ça va faire le tour de du meter, puis ça va revenir à une nouveauté, peut-être. Cool. Mais non, je sais pas ça, s'il y a des nouvelles entrées en bas du palmarès, puis il y a juste une nouvelle entrée qui est une formation que tu connais. Hello Trans, en nouvelle entrée en anglophone. Oh. Il va falloir qu'on s'écoute ça. Mais peut-être pas aujourd'hui. Oui. C'est le moment d'accueillir Frédéric Bernard. Oui, un survivant lui aussi de la semaine de relâche. Voici Crackpot TV. Frédéric Bernard! Salut Mathieu. Quel autre pays, à part les États-Unis, est un gros producteur de séries télé? Quel gros pays à partir. Pays? Parce que j'allais dire c'est la Grande-Bretagne, mais pays, je suis pas sûr. L'Angleterre. Non. Bon. Mais c'est des grands producteurs. Ouais, en passant, j'ai décidé de commencer sec demain. Ouais, en me disant pas bonjour! Oui, je t'ai dit bonjour là-bas. C'est à moi qui n'ai pas dit bonjour. Ouais. Sois pas insulté. J'étais juste attaqué et j'ai pas regardé Stéphane. Moi, j'étais atteint par la bande et je suis tellement rempli de compassion pour Stéphanie Paradis que j'ai des. Ah. Voilà. C'est comme, mettons, on prend une personne au hasard, mettons, qui serait enceinte, là, mettons, dans la vie. Là. T'as des mots de compassion qui appellent, là, tu sais, c'est ça le nom? C'est quoi? Mais c'est? Bref, t'as comme mal au ventre en même temps qu'elle a des nausées, ça. Le père, des fois, ça. Ah, pis il engraisse la bédaine. C'est ça, pis c'est une excuse pour lui de prendre du poids pis de manger du fast-food. On appelle ça une grossesse sympathique. Grossesse sympathique! Bref. Je pensais que c'est une grossesse nerveuse. Bon, ok, oui, oui. Donc, tu me demandais, à moi, personnellement, Mathieu Plante, un pays. Ben, Stéphanie aussi, là, elle serait très bien placée aussi pour savoir. Quel autre pays? La France, peut-être? Non plus. L'Espagne? Non, je vous parle d'une usine, d'une industrie. L'Inde? Bollywood, ouais. J'y avais pas pensé. En film, en tout cas? Mais moi, je pensais au Japon. Ah oui! C'est qu'on les voit pas ici parce que c'est rare qu'on va doubler une série japonaise sur notre télé québécoise. Non, c'est ça. Au Québec, c'est vraiment rare qu'on va voir une série japonaise. En tout cas, on en voit quelques-unes. Il y en a sans doute quelques-unes qui vous viennent en tête, mais il y en a pas. C'est même pas la moitié. Je pense que c'est même pas le tiers de ce que produisent le Japon. Ouais. En termes d'animé, je vous parle. Oui, c'est ça, les animés japonais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé. Fait que cool. je suis pas un expert dans les animés, fait que je suis très content de t'entendre dire animé, non pas un anime comme souvent j'entends en oui français. Un anime, je comprends pas pourquoi, mais il y a des gens qui disent ça apparemment. C'est comme un damam, c'est damamé. Ouais, c'est tout de même un damam. Et damam, les fèves de soya fraîches. Ok. Pas séchées. Les fraîches. Ils sont fraîchiers. Ouais. Ben ils ont clairement de l'attitude là, ils sont pas devenus du tofu. Sont chanceuses. Il y a le goût de quelque chose. Bon. Donc, oui, le Japon est un animé dont tu nous parles aujourd'hui, mais lequel? Oui. Parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Il y en a des tonnes et j'en parlerai pas de tous. J'en ai gardé un qui est assez récent, on est en ce moment dans sa saison 2 et qui a 12 épisodes, ce qui est assez rare aussi. Pas Pokémon, qui sont rendus à 40 saisons. En fait, c'est le reboot de Pokémon. Ah, cool. Alors, pour la Poké-8, non, c'est pas vrai. Il s'appelle plus H, il s'appelle J, ou je sais pas, ils ont pas. Mais il y en a un reboot. De Pokémon. Y a-tu H dedans? Non, je pense qu'il y a un autre nom. Mais il y a un reboot qui existe. Ben c'est cool ça. J'ai vu pas ça, en 3D toujours. Je crois qu'il est pas en 3D. Non, mais c'est violent. Okay. C'est vraiment violent pour ce que j'ai vu. En tout cas, j'essaie de vous trouver ça. Je pense que je vous en parlerai à un moment donné. C'est le fun, hein? Je vais essayer de le trouver, de l'écouter, puis je vais vous en parler à un moment donné. C'est une promesse. Cool. Donc, je vais faire ça. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de Tokyo Ghoul. Ah! Je sais pas si vous connaissez. Non. Ça me dit rien. Non? Non. Alors, Tokyo Ghoul, alors qu'il est à 16. Oui, c'est ça. Il est à sa saison 2 et qu'il y a 12 épisodes. La première saison, quand je vous dis que c'est une industrie, la première saison a été traduite, diffusée en français cet été. OK. L'été 2014, c'est ça, l'été passé. Quelle station au Québec joue encore les animés? Télétoon en joue un petit peu, je pense. Télétoon en joue. Okay. Vrak TV va en jouer un peu pour les enfants, surtout. Okay. Je pense qu'il y a une chaîne spécialisée aussi pour ceux qui ont... Ouais, sur vidéo sur demande. Ouais, c'est ça. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Je sais que sinon, on recommande beaucoup Wakanim pour les gens du Québec qui veulent écouter des séries télé, des animés, justement, qui viennent du Japon. Entre autres, Tokyo Ghoul s'y retrouve sur Wakanim. Et la chaîne, c'est Anime Network, juste pour au Canada. Là. Ouais. Donc, Tokyo Ghoul, comme je vous disais, a été diffusé en français cet été. Et il y a pas longtemps, en 2015, début 2015, on a le début de la saison 2. OK. Alors, déjà? C'est ça. On a même pas un an là, qui a été séparé. Là. Ouais. C'est ça. C'est vraiment comme une usine à séries. Puis souvent, avec ces séries-là, on va partir d'un livre. Alors oui, il y a eu le livre manga avant qui a été fait, qui était un shonen. Alors pour... je vais essayer de décrire un peu. Le vocabulaire, tu me perds un peu. Là, ouais, c'est ça. Ben moi aussi, je suis comme pas ça. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. On va essayer. Je sais que le shonen, j'en dirais pas plus. Le shonen, je sais que c'est un style manga. Marche sur des œufs de petits poissons là, qui mettent ses sushis, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Je sais que c'est caviar. Caviar, fallait insérer ça, ouais. Je sais que c'est un style de manga qui est surtout adressé aux garçons, de ce que j'ai compris quand on essaie d'en faire la description sur Internet. Le stéréotype du garçon principal. Si tu veux trouver shonen, S-H-O-N-E-N. Alors, si vous aussi à la maison, vous voulez faire des recherches, en direct pendant la chronique et ne pas écouter ce que notre ami nous dit. Non, Est-ce c'est que ça. Tu veux une petite description rapide? Type de manga, pour jeunes garçons, comme tu l'as dit. Type de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée pour les jeunes adolescents de sexe masculin. Et il est opposé du shoujo manga, qui est le manga pour jeunes filles. C'est le contraire. OK. Voilà. C'est tout. On doit avoir... la même source. Ouais. C'est pas mal ça. Donc, Sakura, chasseuse de cartes, ça doit être le contraire. Pas mal ça. Ouais. Diffuseur Tokyo Emix. Alors, pour ici, ça ne nous dit rien. Tokyo Emix est diffuseur de plus de 21 animes. Il y en a plus que 21 qui ont produit. Année de production 2014. L'idée, c'est Sui Ishida. Je pourrais pas vous nommer un autre manga qu'il a fait parce que c'est vraiment dans ses débuts de manga au niveau de la réalisation, au niveau de l'idée. C'est vraiment un tout nouveau. Il en a fait quelques-uns avant des mangas, mais il a gagné un prix avec Tokyo Ghoul, entre autres, alors que je vais vous parler plus tard. Réalisateur Morita Shuhei. Et les acteurs vedettes sont vraiment durs à trouver. J'ai juste trouvé... j'ai trouvé l'acteur qui fait la voix du personnage principal, mais vraiment, c'est on va mettre ceux qui font la musique avant les acteurs. Ah, OK. J'ai l'impression parce que vraiment, partout, je trouvais... Pour trouver qui faisait la musique de cette émission-là, c'était facile. Trouver les acteurs, les voix, c'était plus compliqué. Mm-hmm. Ce qu'on n'est pas habitué ici, alors qu'ici, c'est complètement le contraire. Ah, oui, c'est ça. Un acteur vedette, alors celui qui fait la voix, Natsuki Anae. J'ai pas trouvé chez qui a fait dans Yu-Gi-Oh! Un peu de ce que j'ai vu, mais souvent les gens qui font les voix de s'animer, c'est souvent les mêmes qui font le circuit, j'imagine. Oui. Mais lui, il a l'air d'être vraiment spécialisé là-dedans. Okay. De ce que j'ai vu, c'est surtout des voix qu'il a faites, puis il a fait 2-3 rôles là, dans en les français, films. Sûrement Hugolin Chevrette. Je fais toutes les voix de s'animer. Alors, j'y vais de ce pas avec le résumé, oui. Si vous permettez. Ah oui, ton résumé écrit de ta propre plume. Là, il fait 3 pages. Trois pages. Non. Allons-y. Première page. On va faire des guiding entre les pages. Oui, c'est ça. OK, alors, au bord d'une rue perdue dans le brouhaha des immeubles bruyants, se trouve un petit café où Kaneki, le personnage principal, attend une fille pour qui il a, même s'il a du mal à l'expliquer avec sa timidité, certains sentiments. Lors de leur première rencontre, un accident inattendu ébranlera à tout jamais la vie de Kaneki. Au réveil, à l'hôpital, le jeune garçon, encore aux études, apprend qu'il a dû subir une greffe d'organes d'urgence pour survivre. Ses organes viennent en fait de son assaillant qui voulait le tuer, le prédateur qui le traquait, cette abjection qui était en fait une goule. Kaneki apprendra par lui-même les origines de ses organes lorsqu'il réalisera qu'il est lui-même transformé en goule. Incapable de manger la nourriture normale, il devra peu à peu se faire à l'idée de manger de la chair humaine pour survivre. Introduit par force dans l'univers de ces monstres de l'ombre rejetés par la société, humiliés et traqués, Kaneki devra apprendre à se défendre des humains qui le protégeaient autrefois, mais aussi des goules plus territoriales, de ses anciens amis et de lui-même. Il découvrira avec horreur ce monde de peur et de sang, un monde où la pitié est tabou et où les mystères restent entiers. Tantôt triste, tantôt effrayant, tantôt sadique, les ghouls de toutes sortes profiteront de la naïveté de Kaneki pour étancher leur soif de haine. Kaneki n'aura d'autre choix que de s'allier à un groupe nommé l'Arbre Aogiri, qui ont des valeurs autrement plus proches des siennes et qui lui fera découvrir que l'univers des ghouls, ces monstres mangeurs d'hommes, peut aussi être rempli de beauté, de sentiments et de sagesse. Une série mêlant avec agilité, horreur et suspense, elle est à éviter aux âmes sensibles, mais un incontournable pour les amateurs de sensations fortes. Car elle vous donnera parfois le vertige en vous écrasant le cœur tout en vous laissant respirer pour vous permettre de voir le héros auquel vous vous êtes attaché souffrir et évoluer. Cependant, tout n'est pas noir ou blanc et l'horreur est parfois chez les hommes aussi. Ouais, très bien. Et ça me donne une impression d'émission de zombies, mais c'est avec des ghouls. Donc ça suit quand même une tendance en ce moment. C'est drôle que tu dises ça, parce que quand je faisais la recherche, il y en a beaucoup qui comparaient ça un peu avec le filion qu'il y a avec les zombies en ce moment, mais vraiment avec des ghouls. Ouais. Alors, un genre de Walking Dead mélangé avec un animé... Oui, c'est ça, mais il faut savoir que là, les ghouls ont une apparence humaine, okay, vivent au travers des humains, sont pas nécessairement faciles à détecter. C'est vraiment par la technologie qui vont être capables de détecter qui est une ghoul, qui l'est pas, okay, puis on oublie complètement le côté zombie. C'est vraiment des humains en part entière qui mangent d'autres personnes. Là. Fait que y a pas l'aspect zombie, mais oui, beaucoup ont comparé ça avec le côté zombie, alors envahi par des zombies, un peu cette confrontation-là qu'il y a entre les deux. Et la raison que tu parlais tantôt de la musique est si populaire, c'est qu'en français, la trame sonore, c'est Jerry Goulet. Non. Ah ouais, Goulet. Oui, c'est Goulet. Ah, t'es con. Ouais, non, je sais que je suis con. Donc, c'est des... comme j'ai dit, c'est 12 épisodes, c'est des 24 minutes, ça s'écoute quand même assez bien. La deuxième saison est en cours en ce moment. Quelques épisodes, je pense qu'il n'y a pas 10 épisodes encore qui ont été sortis. On a deux camps, vraiment, comme je disais. Alors, on a le camp des ghouls, le camp des humains. Nous, c'est drôle parce qu'on commence tout de suite avec un peu les humains. On découvre les humains, bon, qui fonctionnent. C'est vraiment dans un Tokyo moderne. Alors, on a les mêmes repères qu'eux. Le café, ça reste du café. Parce qu'on va parler, mon Dieu, qu'on va en parler du café là-dedans, cool, dans cette série-là. C'est pour moi, ça. Oui, c'est ça. Juste pour toi, ils parlent de café. Les autos, c'est pas des autos qui sont hyper technologiques. On va avoir quelques technologies qui sont un peu fantaisistes, bien sûr, pour combattre les ghouls, mais sinon le reste, ça reste vraiment avec les règles de l'univers moderne qu'on connaît de nos vies de tous les jours, sauf qu'on vient d'y introduire les ghouls, qui sont des monstres sanguinaires qui dévorent les humains justement dans la nuit et qui les traquent et qui se cachent. Alors, ils sont quand même stratégiques. Ils veulent attirer justement les humains dans un endroit sombre, les manger, puis ensuite s'enfuir. Okay. Alors, il y a les spécialisés... Dans la police, il y a une branche qui est spécialisée juste dans la traque des ghouls pour donner une idée un peu de qu'est-ce que c'est cet univers-là. Alors... les humains qui vont traquer les ghouls et les humains qui sont vraiment nettement moins forts que les ghouls physiquement, qui sont dotés d'une capacité physique beaucoup très évoluée et qui sont classés selon leur niveau de danger. Alors, des ghouls SS qui sont les ghouls les plus dangereuses et que, mon Dieu, qu'il y en a qui sont impressionnantes là-dedans. Mmh. Là. Bon, bien sûr, c'est du manga, fait que les ghouls sont capables de faire sortir une sorte d'aura, okay, de leur corps qui éclate. Vous pouvez imaginer comme si une excroissance de votre muscle sortait de votre dos et vous faisiez un cinquième bras, finalement. Alors, un cinquième membre. Ouais, cinquième bras. Si vous avez pas quatre bras en ce moment, vous êtes pas normal. Ils sont cachés où? Alors, un cinquième membre. Alors, je comptais les jambes là-dedans. Ouais, c'est ça, un sixième membre, donc. Ouais. Dépendant de quel moment. Ouais, dépendamment. Ouais. Donc, vraiment, c'est... Oui. Alors, vraiment, on a le côté manga qui est là, qui va vraiment sortir de ces ghouls-là, qui va les permettre de se transformer, qui vont avoir différents comme pouvoirs. C'est un peu dur à expliquer. C'est vraiment comme une excroissance qui part et qui sort du dos, qui est différente selon les ghouls et qui va les aider à se battre. Hey, les filles ghouls là-dedans, ils ont aussi des belles ghouls. Ah, les ghouls sont cute. Belles ghouls. Il y a la première ghoul qu'on croise. Ouais. Dans le fond, tu dis ça, mais ouais, la première ghoul qu'on croise, ouais, est tellement cute que c'est comme ça qu'elle fait pour manger les humains. Ok. Fait qu'elle les attire, okay, physiquement. C'est un bon point que j'avais ouais, apporté. Comme... bon. On se fera peut-être avoir. Ouais. Mmh. On se fera manger. Bref. Ouais, Mathieu, il attend juste ça. C'est ça. Je sais où. Donc, vraiment, deux camps. Et dans les deux camps, vraiment, notre personnage principal ne veut pas être une ghoul, évidemment. Il ne veut pas devenir une ghoul. Il a connu le monde des humains. C'est quelqu'un de très timide, de très renfermé. Il se retrouve dans ce monde-là qui est vraiment... Mon Dieu, que c'est pas pour les âmes sensibles, cette série-là. C'est vraiment... on est vraiment dans du gros... dans de l'horreur, finalement. Lui, il se retrouve dans des situations comme ça qui le dépassent, qui ne contrôle pas, où on lui dit qu'il va falloir, justement, qu'il mange des humains, qu'il va falloir qu'il torture des humains, qu'il faut... On essaie de l'obliger à remarquer qu'il est plus puissant qu'un humain et lui, il refuse de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il va s'allier avec des ghouls qui protègent, qui refusent un peu de manger les humains aussi et qui vont développer des amitiés avec les humains aussi. Donc, dans le camp des ghouls, on en a qui sont vraiment sadiques, qui sont vraiment méchants, pour utiliser un terme que tout le monde comprend. Alors, ils sont vraiment sadiques. Mais du côté des humains aussi, on en a. Fait que c'est ça qui est intéressant entre les deux. On a vraiment dans les deux camps, on a les deux personnalités qu'on va retrouver. La série, vraiment la première saison, est axée sur la détresse du héros. Alors sur le fait qu'il se retrouve entre ces deux camps-là, entre, oui, pour lui, le bien, c'était les humains, mais il se rend compte que même dans les humains, il y a du mal, et que même dans les ghouls, il y a du bien. Alors un peu, on peut faire un peu une métaphore avec le yin et le yang. Mais ici, c'est vraiment le héros qui se retrouve dans une détresse, incapable de choisir entre les deux camps, incapable de choisir qui protéger, ni comment protéger, parce que vraiment, autant il est impuissant face aux humains, autant il est impuissant face aux ghouls. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir un héros, justement, qui est comme ça, qui est en pleine évolution et qui découvre un monde comme nous, on le découvre avec lui. Il y a une sorte de schizophrénie qui va se développer aussi chez notre héros, parce que la ghoul qui est en lui, il va être en contact avec cette goule-là. Comme je vous ai dit, c'est une greffe d'organes qu'il reçoit. Alors, il va comme un peu... Il y a comme cette schizophrénie qui est assez intéressante, qui est à développer. Je vous en parlerai peut-être dans mes points positifs, négatifs. Là. Cette schizophrénie-là qui va se développer, qu'on va voir beaucoup à la fin de la saison 1. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui commencent Tokyo Ghoul, à la fin de la saison 1, vous allez voir beaucoup cette schizophrénie-là qui est un peu... qui est quand même présente là, au début de la saison. Là. Alors, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis vraiment... vraiment un monde assez bien fait. On est tout le temps dans le noir. Je pense que c'est on voit pas beaucoup de jours là-dedans. Mm-hmm. Là, on en voit un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. On est vraiment dans l'obscur. Donc on écoute ça dans le noir aussi. Oui. Pas faire de reflet dans la télé. C'est sûr. C'est rien, j'ai passé des mauvaises nuits au début, moi. En l'écoutant dans le noir, là, je sais pas si c'est parce que... C'est si épeurant que ça, t'as fait des cauchemars? C'est pas effrayant. Okay. C'est marquant. C'est fait, marquant, à la limite, des fois, un peu choquant. Okay. Un peu, ça veut provoquer comme série, même pour de l'anime. Ceux qui sont habitués avec les animes, j'en ai vu quelques-uns. J'en ai discuté avec un de mes amis qui en écoute beaucoup et qui me disait que oui, c'est particulièrement un des plus violents. Il y en a des très violents qu'il a vu, entre autres pour d'autres qui sont amateurs du genre... Attack of Titan, je ne sais pas si tu On connais, entend souvent si ce nom-là. C'est un peu dans la même veine, Attack of Titan. C'est assez violent aussi. Alors, on est un peu dans la même veine aussi, dans quelque chose qui est assez dark, mais on a un côté fantaisiste qui vient un peu faire une cassure. Alors, la pilule, elle passe un peu mieux. Mais oui, c'est assez. Ça peut être assez choquant. Le réalisateur, alors celui qui a eu l'idée principale, qui n'est pas en fait le réalisateur, mais celui qui a eu l'idée principale, Sui Ishida. Sweet Home Alabama? Oui, c'est ça. C'est ça son nom. C'est lui qui a écrit ça. Okay. Grand prix du magazine Young Jump Auteur, alors pour Tokyo Ghoul justement. Alors c'est un prix qui était remis aux jeunes auteurs, comme dit le prix. Lui qui a fait un spin-off, qu'on pourrait dire, de Tokyo Ghoul. Un dérivé du premier épisode, selon les mangas, alors selon les livres, et qui a gagné un prix avec ça et qui a pu faire finalement les autres épisodes de cet anime-là. On remet vraiment en contexte le fait de... Est-ce qu'on peut tout montrer? Je sais qu'il y en a beaucoup sur Internet, sur les forums. C'est la discussion. Est-ce que c'est possible de tout montrer? On parle beaucoup de Game of Thrones, qui nous en montre beaucoup. Alors, qui ne nous cache pas grand-chose. Mais ici, on nous en montre plus. Mm. On nous en montre encore plus. Puis je vous dirais que la façon de le montrer aussi est vraiment différente. Alors... si on peut comparer avec ce que les Américains vont faire souvent avec des séries du même genre qui veulent impressionner, qui veulent être choquantes, qui veulent provoquer. On est dans le très gros niveau des Américains, alors dans le très impressionnant, dans le très sanglant. Ici, on est aussi dans le très sanglant, mais il y a une subtilité dans certaines scènes avec la musique, beaucoup qui vont jouer, qui viennent rajouter à l'horreur des scènes parfois. Je serais déjà rendu à mon positif négatif. Ouh! Je passe vite aujourd'hui. Ah, oh, tu y vas fait comme au rythme que tu veux. Donc, positif. Alors, l'histoire est assez originale. Okay. Alors, c'est vraiment intéressant pour du manga, je parle. On est souvent dans un manga qui veut créer un nouvel univers. On est souvent dans des mangas qui veulent créer des nouveaux personnages, des mangas qui sont plus gros que nature, qui vont se retrouver. Bon, je pense à Naruto, entre autres. Ouais. S'il y a un manga que beaucoup de gens connaissent, Naruto crée un nouveau pays, un nouvel univers, des nouvelles règles, des nouveaux personnages. Alors, tout est nouveau. Le manga, c'est pas rare qu'on va retrouver ça, surtout dans des shonen. Mmh. Dans Tokyo Ghoul, les humains, c'est des humains comme nous. Ils ont les mêmes capacités, on aurait les mêmes capacités qu'eux, c'est bien représenté à ce niveau-là, quoique des fois ils mangent des coups que je suis pas sûr que je serais capable. c'est les mangas, c'est tout le temps comme ça aussi. Mm-hmm. Donc on est vraiment c'est vraiment original à ce niveau-là de nous montrer un univers qu'on connaît bien et de rajouter à l'intérieur des personnages plus fantaisistes, des ghouls, justement, ces personnages-là qu'on ne connaît pas et qu'on découvre comme le héros. Alors, je trouve que c'est un point positif, les sensations. Oh mon Dieu! T'en as vécu des émotions! Il y a une scène, tout le monde, dans tous les forums, mais je dis tout le monde, qui a écouté la saison 1 de Tokyo Ghoul au complet, puis moi, c'est la première chose qu'on me dit quand que j'ai dit, ben, je vais la commencer, je vais l'écouter pour la chronique, entre autres, que je voulais l'écouter parce que c'était tout neuf. Ouais. Quand j'ai dit que j'allais la commencer, la première chose qu'on m'a dit, c'est la scène de torture. Okay. On m'a dit la scène de torture. T'en dis pas plus, la scène de torture. La scène de torture. Ninja. Ah, c'est impressionnant comme scène. Je t'ai vu regretter. Ouais, ta non, job. Vraiment. Passe outre. Non, j'ai trouvé ça drôle, même si ça n'a pas paru. Ouais, je sais pas ce qu'on dirait que ton sens de l'humour a changé depuis quelques temps. Tu trouves des affaires vraiment drôles quand c'est vraiment pas drôle. Et ouais, moi, tu me fais une joke de Tortue Ninja. C'est bon. Ok. Donc, vraiment, la scène de torture, on va jouer beaucoup avec la musique dans cette scène-là. On va pas nécessairement montrer la torture. Il y a beaucoup de scènes où ça va être ça, on va pas nécessairement le montrer, on va surtout en parler. Là-dedans, la scène de torture, c'est surtout... ça dure un épisode et c'est surtout le héros qui parle. Okay. Alors, qui discute, en fait. Il fait simplement discuter comme on discute en ce moment. Si vous saviez le malaise que j'ai vécu à ce moment-là... Ah! Ah, c'est impressionnant. C'est fun, des fois, les malaises. Moi, j'aime c'est ça. C'est très fun. C'est vraiment intéressant de se rendre compte que c'est quelque chose que j'ai rarement vu exploiter. Souvent, on essaie de montrer l'horreur par des bruits de métal ou par la caméra qui tremble ou la sueur de la personne, les mains qui tremblent. Là, tout est en douceur. Et c'est effrayant. Okay. Alors, je trouve que c'est encore pire. Alors, mais je vous invite à l'écouter. Ceux qui sont vraiment intéressés par ça et qui, comme je le répète, n'ont pas l'âme sensible, je vous invite à l'écouter, à regarder juste pour cette scène-là. C'est une scène que j'ai rarement vue et je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre comment elle a été faite. Et beaucoup le qualifient comme ça aussi dans des experts un peu sur Internet, ceux qui parlent beaucoup de séries de télé, entre autres sur... Allô, sinon que j'ai trouvé un forum où beaucoup qualifiaient que oui, c'était une des belles scènes qu'il y avait des belles scènes, si on peut dire. Des scènes les mieux réussies, qui veut dire qui retranscrit bien ce qu'on ressent du héros, parce que cette série-là veut ça, finalement, qu'on s'attache au héros et qu'on ressente exactement ce que le héros ressent. Alors, qu'on soit perdu, nous aussi, qu'on soit en détresse, qu'on se pose des questions, ça retranscrit très bien ça, et c'est rare que j'ai vu une série aussi bien le retranscrire. On pourrait être le héros carrément. Ça pourrait être quasiment une série où vous êtes les héros. Alors, de la façon que c'est fait, le suspense, l'horreur, c'est rare des séries d'horreur. Alors, c'est pas très populaire. Il y a American Horror Story qui va aller dans ce genre-là. Lady Gaga qui va être là-dedans. Exactement. L'année prochaine. Oui, ça va être ça. Miley Cyrus en tournée. Ouais. Mais oui, alors quand on va dans l'horreur, ici vraiment avec Tokyo Ghoul, on est vraiment pile poil dans l'horreur. Alors on va retrouver des codes du genre dans Tokyo Ghoul, mais vraiment plus dans le suspense qu'on va faire, plus ça se rapproche plus d'un décadent, je vous dirais, que d'un film d'horreur en tant que tel pour le suspense. L'évolution du personnage principal, évidemment, comme j'ai dit, la scène de torture... Mon Dieu, que j'ai voulu dire par là? Moi, c'est quoi cette phrase-là? Je la vois d'ici, puis non. Ah, mon Dieu, je vais aller à l'autre parce que j'ai pas compris que j'ai écrit. Le revers de la médaille. Je veux vraiment savoir ce que c'est ta phrase, mais continue. Oui, c'est ça. Le revers de la médaille aussi dans cette série-là, je trouve que c'est un point positif. Alors, on a les ghouls. OK, qu'on montre qu'ils sont méchantes au début, qu'ils sont pas fines, qu'ils mangent les humains. Mais finalement, il y a du bien dans les ghouls. Et les humains qu'on veut s'attacher, qu'on veut qu'ils tuent les ghouls, et même que les humains vont se retrouver à tuer des ghouls qui finalement sont vraiment méchantes, mais qu'on va... on va vivre un malaise finalement. Il y a comme un certain sadisme autant du côté des ghouls que du côté des humains. Donc cette équivalence-là est très intéressante de voir ça des deux côtés. Et autant le personnage principal évolue, autant je pourrais dire un héros secondaire qui est du côté des humains dans la police, dont le nom m'échappe. Je ne demanderai pas de le chercher. Je veux juste dire que le monde va le reconnaître si vous l'avez écouté. Sinon, si vous l'écoutez, vous allez le reconnaître. C'est un jeune inspecteur qui commence dans la série. Et lui aussi va vivre une évolution, mais du côté humain. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir cette comparaison-là. Alors, de voir le revers de la médaille, finalement. j'essaie de comprendre ma phrase une deuxième fois. Lila, l'anime, on peut faire plus grand. On peut faire plus grand. Ouais, des fois, je me fais des codes comme ça, puis on peut faire plus grand. C'est ça, t'as pas de restrictions de décor, d'environnement. Ah, la violence peut aller plus loin. Puis Stéphanie, je t'engage. C'est exactement ça que je voulais dire. C'était pourtant très clair comme phrase. C'est la personne qui l'a écrit était plutôt intelligente. je sais pas, j'ai comme mêlé les mots, ça m'a mélangé, mais oui, évidemment. Oui, c'était ça que je voulais dire, en fait. Avec de l'animé, on peut faire beaucoup plus. On n'a pas de restrictions au niveau du budget. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'était juste un mot, finalement. C'était ça, finalement. Il fallait que je l'aille savoir autre pour comprendre. Mon Dieu. Hein? Je peux-tu me faire renvoyer, moi, ici? Jamais, on ferait ça. Voyons donc, une chronique de même, ça se garde. Parce qu'à chaque semaine, tu en as pour tous les ghouls. Non, c'est le moins. Je l'avais dans la tête depuis le début de la chronique. Ça te gossait. Ouais. J'ai trouvé pas super. Mais c'est correct, tu sais, c'est pour te faire du bien. Ça me soulage. D'autres, ça nous fait mal, mais. C'est comme un toc, tu sais. Faut que tu le sortes, c'est comme un toc. Tu sais, mettons quelqu'un qui est tout en train de sacrer. Moi, c'est comme, faut que je fasse un jeu de mots. Pour tous les goules. Pour tous les goules. Moi, je t'achèterais une petite coffee cuisse pour l'effort. Merci. Une petite. Ah. Une demi, t'as encore sa moitié. Tu manges l'autre. C'est encore plus chier. C'est un fun size. Tu prends une bouchée, tu donnes le reste. Tous les humoristes américains en stand-up qui vont faire c'est pas fun size, j'ai pas de fun là-dedans, mais trop petit. T'sais. C'est une joke plate, là, c'est stand-up. Guy Mongrain. Tu voulais en enchaîner deux de suite. Hein? Tu voulais enchaîner deux jokes comme ça. Ouais, deux de suite. Ok. Ben, des fois, j'aime ça faire un gag, exactement. C'est ça. J'aime ça faire un gag puis dire après ça, Guy Mongrain. Comme ça vient comme qualifier joke de mon oncle. Mais ta joke de fun size, moi, me fait penser, je me souviens pas c'était où. C'était un humoriste qui parlait, tu sais, là, à l'époque, là, à TQS, fun noir, là. Ouais, avec Norman Bratois. Ouais, il y a quelqu'un qui a lâché. Il dit, je l'ai vu, le noir. Mais il était où, le fun? Oh boy. Sauf qu'il s'est trompé en faisant le gag. Il dit, je l'ai vu, le fun, mais il est où, le noir? Oups! C'est encore plus drôle, je trouve. C'est malaise, hein? Malaise. Mais j'aime ça. Il y en avait une couple aussi de même à Pimentfort, là, quand on réécoute ça sur YouTube, là, des humoristes qui essayent de faire des jokes sans faire, ou qui changent les mots. Moi, je trouve ça drôle. Mais cherchez les extraits de Guy Mongrain, salut bonjour, dans le temps. Puis c'est exactement ça, mais non, tout le long. Non, c'est lourd. C'est malaisant. C'est très lourd. C'est des jokes de mon oncle, mais tu sais, comme encore pire. Mes mon oncles sont sûrement plus drôles que ça. Puis je les vois jamais, mais sont sûrement plus drôles que ça. T'sais. Oh, mais pour l'œuf, là, moi, tu peux m'en faire des jeux de mots, là. Si pour l'œuf, tu me donnes l'œuf. 9 sur 10, Guy Mongrain. Il était bon. Pas pire, hein? Tu vois, c'est parce qu'il était rapide, ses patins de marde, tu sais. Il faisait des jokes, là, vraiment. Il patinait en zigzag. Fou, joke de marde. C'est cœur, hein? C'est un slalom du mauvais gag. Bon, donc. Point négatif. C'est vrai, on n'a pas fait des points négatifs. Il en faut toujours. T'as raison. Ah oui, c'est vrai. Tu veux la lire à voix haute? Non, non, je vous la lirai à voix haute après, ok? Mais, en fait, faux. Je suis pas quelqu'un qui est très attiré par le manga en partant, donc oui, j'avoue que mes points négatifs peuvent être biaisés. Ouais. Alors, je l'avoue en partant. Dans les points négatifs, j'ai mis un peu la relation manga des personnages. Quand je dis la relation manga, la fille classique qui aime pas le gars, on sait pas pourquoi, elle déteste, est froide, est méchante, mais au fond, elle l'aime tellement. Ah, oh, c'est comme « Je t'aime pas, manga! » Ouais, c'est ça. Bien, manga, c'est un jeu de mots de manga, Guy Mongrain. C'est pas... Et manga. Et manga. Et manga. Et manga. Et manga. Pour comparer, moi j'ai écouté Pokémon quand j'étais jeune. Fait que, puis en plus, je vais faire de la publicité, la Pokélutte qui s'en vient. Alors, oui. C'est pour ça que je fais du manga dans le fond. Je veux juste plugger la Pokélutte. C'est excellent. C'est le 16 mars. Je pense en revenant de la relâche. Ouais, je pense que c'est la première semaine en revenant de la relâche. Peut-être, ou la semaine d'après. Peut-être. C'est une des deux. Surveillez c'est ça. Bientôt, c'est bientôt. De toute façon, il y a un spectacle les deux lundi soir. Fait que nous, deux, là. C'est ça. Compliquez-vous pas la vie. Yo, manga. c'est bien aux deux. Donc, la relation un peu manga. Pourquoi je parlais de Pokémon dedans? La fille, la rousse qui est avec Ash. C'est le nom m'échappe, là. Ceux qui Misty. L'a. Oui, oh, c'est ça. T'es fort. Misty, tu sais, Pokémon qui va... O. Qui va avoir un peu cette relation-là aussi avec Ash qu'on disait, tu sais, qu'il va le détester, on sait pas pourquoi, va lui lancer des bicyclettes dessus alors que dans la vie de tous les jours, c'est une agression. T'as pas le droit de faire ça, mais là-dedans, elle lui lance des bicyclettes dessus. Mais déjà, de lever une bicyclette, on s'entend. Oui, c'est ça. Mais dans Tokyo Ghoul, c'est un peu la même chose aussi. Il y a cette relation-là entre les personnages qui est un peu confus. Il y a un personnage, ça j'ai pas compris, il y a un personnage qui est une ghoul qui veut manger notre personnage principal, qui est aussi une ghoul parce qu'il est à moitié ghoul, à moitié humain, mais okay. Il y a une ghoul qui veut le manger, et plus tard, pour aucune raison, elle l'aide. Ah ben. Mais ils sont devenus super amis. Okay. Y a rien qui... C'est ça la relation un peu manga que je fais. Comme... L'amour, la haine, c'est si proche parfois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Certains ouais. diraient, ah, les femmes aussi, tu sais. Mais ça, on dirait pas ça. C'est une fille, la ghoul? Ben, il non, c'est deux gars. Ah, c'est deux gars. Non, mais c'est une ghoul. Ouais, c'est une ghoul, mais t'as raison. C'est pas nécessairement une fille parce que c'est une ghoul, je comprends. Mais c'est ça. T'as vu tout de suite les préjugés, Mathieu Plante? Mais avoue que c'était facile comme erreur à faire. Non. Une Donc, un peu cette relation manga, mais je dirais que c'est plus autour du cercle d'amis de notre personnage principal. Le meilleur ami un peu fatigant, là, qui est trop excité, puis qui est trop excité pour être juste humain aussi. Là. Ses bras, ils deviennent des petits points quand il court. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Là. Ben oui. Moi, je trouve ça bizarre à chaque fois. bon, faut aimer l'anime, bien sûr. Faut aimer le manga, le style shonen, le style du genre. Comparez pas ça à du Naruto ou à du Pokémon, dans l'histoire, on en a parlé. C'est pas du tout la même chose, du tout les mêmes univers. On est beaucoup plus rapproché dans du réel. On n'est pas dans du gros. Les personnages sont pas invincibles, même si on a du mal à le croire. Okay. Les personnages sont pas invincibles là-dedans. Il y a des morts dans cette émission-là, j'imagine. Il y a des morts dans cette émission-là. La mort est possible. La souffrance aussi, alors que dans du Naruto, il va recevoir 20 000 coups, il va se faire cracher du feu dessus, il va se relever, puis finalement, il va gagner. Ouais. Mais c'est pas ça. Là-dedans, c'est pas ça du tout. L'absurdité un peu des événements, des fois, comme je vous parlais, la relation du personnage qui veut manger la goule, mais qui plus tard, pour aucune raison, revient, et c'est vraiment, elle revient pour l'aider. Mais on sait pas pourquoi. On l'a perdu pendant au moins 5 épisodes. Elle revient pour l'aider. Alors, c'est un peu cette absurdité là qui est plus propre, finalement, au manga, des fois, qu'à la série en tant que telle. Je trouve que c'est un peu ça qui est dommage pour une série qui se veut, si on veut, si réaliste, comment qu'on pourrait dire, l'anticipation, qu'on pourrait appeler ça, peut-être, ouais, un peu. Peut-être, ouais. Une série qui se veut un peu plus anticipation, alors comme si notre univers était envahi par des ghouls. Alors, je trouve ça un peu le côté un peu plus irréaliste qui fait pas avec ce que la série veut être en soi. Ma note finale? Oui, note finale. Ah, vous vouliez que je lise la phrase du négatif avant aussi, c'est vrai. Voir si ce que tu as dit cette fois. Bon. Fait que le négatif, ma première phrase, c'était que je voulais écrire... c'était la relation manga entre les personnages. Ouais. Mais j'ai écrit, pour m'en souvenir, la relation un peu mange que des personnages. Ça, c'est l'autocorrection, je oui, pense. Oui, c'est ça. Le mange. Je voulais écrire manga, ouais. J'ai écrit mange. Alors, la relation un peu mange que des personnages. Tout t'écris ça avant de déjeuner? Non. J'ai écrit ça hier soir. Toujours. Avant de souper. Tu mets sa note finale, ça va être des muffins en anglais, puis... Non, ma note finale est longue. C'est une longue phrase, regarde ça. Elle fait presque le... Fait que tu vas nous la lire, là. Ouais, je vais la lire. Je cite. C'est une grande flaque d'eau dans laquelle on a le goût de sauter lorsque l'on est bien habillé. Oh, wow. Fait que si t'es pas prêt à ça, saute pas dedans. C'est ça. Ça veut tout dire. C'est sont bonnes mes notes quand même. C'est excellent. Là. Non, mais ça, on va se le dire, là, c'est de A1. Moi, je pense que j'ai cœur assez sensible parce que pas trop sensible. Ouais. Je me suis trompé. C'est l'inverse. Tu sais, virer ma phrase de bord. Parce que tu me parlais de Vikings, genre, de la deuxième saison, c'est atroce, puis tout ça, c'est violent. J'attendais qu'il se passe quelque chose. C'est pas super. C'est toi qui m'as dit ça. Que t'avais quelqu'un qui avait vu ça, qui avait écouté puis qui avait été moi, ce que je trouvais dans la saison 2 de Viking, c'est que... faut que je m'en mette dedans. On sort de Tokyo Ghoul. Moi, c'était surtout que la deuxième saison, c'était l'histoire en tant que telle qui était que je trouvais parce illogique. Parce que moi, j'étais comme, je trouvais pas ça si violent que ça. Je me demandais si c'était moi qui étais froid. Non, c'est soft. Viking, c'est très soft en tant qu'à moi. Je vais réécouter l'épisode. Sauf, j'imagine que ça dépend des gens, là. Ouais, ben. Mathieu pleurant si on était avec son chat. Ben, c'est ça. Mais Viking, là. Tu sais, Mathieu, il écoute iCarly. Mais, hein, puis Victoria. Mais, Viking, là, c'est-tu moi où il y a une opportunité ratée que ça devrait jouer à Canal Viking? Hein? Il me semble. Viking, ça devrait jouer à Canal Viking. Moi, je te dirais que non. Ça n'a pas le choix, là. Yeah, Historia, ça fonctionnerait. Ouais, mais il n'y a pas de mot à faire avec Canal Viking. Canal Viking. Ou à V, au Canal Viking. Oui, ouais, c'est mais juste la, ça. C'est la juste série ça. V, ouais. Ça passait pas à V, oui, ça. Oui, ça passait à V, ça. Ouais, ouais. Ça me perturbait. C'est une bonne idée. Oui, série V à V, ouais. C'était série V à V. T'étais rivé à la série V. Elle avait il aurait dû faire ça comme pub. Oh, wow, slogan. De mauvais goût. Non, c'était parfait, ça. Merci, Frédéric Bernard. Ben, ça fait plaisir. Pour la chronique Crackpot TV qu'on fait chaque semaine. Je vais revenir avec Viking. Oui. Là, mon honneur est en jeu. Parfait. c'est mercredi prochain à 8h30. Merci encore, Frédéric. Nous, on va prendre la pause tout de suite. Au retour, ça va être, on va avoir le temps de faire un petit peu de gadget. Mmh. Oui, dans Sex, mais ça devrait pas, on l'a dans quelques instants. Assemblage requis, jusqu'à 9h30. Mmh. T'es moins puissant, mon heureux. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou de folk! C'est fou! 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est mercredi 4 mars 2015. Elle est Stéphanie Paradis. Quatre barres de chocolat, toi c'est Mathieu Plante. Quatre barres, ça c'est bon ça! Mmh. Oui! Mmh. Mmh. Toi, t'es au 20 mars, toi? 20 mars. 20 barres de chocolat. Oui, ou encore du vin pis du chocolat. 20 mars. Du vin pis du chocolat. Ben oui, ça va ensemble, ça. Du vin pis de mars. Je trouve que oui. Je sais pas, non, j'irais plus dans le chocolat un peu plus... fancy noir. Ouais, ouais. Ou noir. Clairement, clairement. Mais, avec un veston cravate. Tu trouves pas qu'il devrait comme combiner le monde des chocolats pas de classe avec les chocolats avec de la classe, comme mettons faire des œufs Cadbury avec la petite crème dedans, mais au chocolat noir, avec une petite crème au rhum, quelque ouais, chose mais de plus classe. Du vrai chocolat, là. Du vrai, vrai chocolat noir avec de la vraie crème avec de l'alcool dedans. Ce serait un œuf Cadbury pour adultes, bâtard. Ouais, mais ils en font des vrais chocolats comme ça. Ouais, le Rossecor en fait, mais ça goûte vraiment pas la même chose. Vraiment, vraiment pas. Tu goûtais des chocolats Baileys? Non, oui, pas sûr, peut-être. Ils étaient en bonbon, pas en œuf. Y a-tu ça en œuf? En œuf? Je sais pas. Moi, je pensais que tu parlais d'œuf. Mais en bonbon, oui, j'ai déjà goûté, c'est super bon, ça. C'est très adulte, en effet. Puis ça, avec c'est un petit café, là, un vrai bon café, là, t'sais, noir. Là, genre, qu'on pourrait jaser longtemps de ça. Je veux un café right now. Mais c'est pas maintenant. Je me dis qu'on va s'écouter une pièce avant de passer à du gadget. Parce qu'on n'a pas écouté de musique depuis comme une heure et quart. Genre. C'est vrai. Fait que juste une petite chanson, puis on revient avec des gadgets en rafale pendant un petit 10 minutes après parfait. Ça. Ce sera pas une chronique normale. Ça va être bon, ben. On n'est pas normal. On écoute Galaxy Robo Lynx sur 89.7. Ouais. Robolinx de Galaxy à assemblage requis sur le 89,1 FM. C'est fou. 9h15, on va se faire un petit blitz rapide de gadgets à s'acheter sur Internet parce qu'on est mercredi puis c'est la journée pour ça. Donc voici si ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la colonie des gadgets inutiles achetés sur Internet. Et on commence avec une façon de savoir si une bouteille d'alcool... En fait, c'est la bouteille d'alcool elle-même qui va savoir si elle a été ouverte. C'est plus ça que ça veut dire. Ah? Ouais, donc c'est au Mobile World Congress en ce moment. Il y a beaucoup de technologies par rapport à la maison. C'est les maisons intelligentes, etc., etc. Les trucs qu'on peut porter sur son corps. Mais on s'attendait pas à entendre parler d'alcool à ce Mobile World Congress qui a lieu en ce moment même à Barcelone. Une belle surprise. Une belle surprise. Donc, une bouteille intelligente pour l'alcool. C'est Thin Film, une compagnie de produits électroniques imprimés qui est à Barcelone avec la compagnie d'alcool Diageo qui est propriétaire de Smirnoff, Johnny Walker, Bailey's, Guinness et d'autres. Donc, ensemble, ils montrent une bouteille d'alcool intelligente avec un sensor NFC, donc Near Field Communication, intégré dans la bouteille. Mais en fait, c'est imprimé là-dessus. Et ça peut détecter l'état de la bouteille, à savoir si elle est scellée ou encore ouverte. Les étiquettes NFC sont lisibles avec un téléphone cellulaire. On peut vérifier donc si la bouteille a été ouverte à distance. Diageo va aussi pouvoir vous servir des recettes de cocktails directement sur votre téléphone cellulaire, bien sûr. Donc les sensors vont aider en fait les magasins à connaître leur inventaire avec les petites étiquettes dessus. Et puis il va pouvoir parler aux consommateurs, à leurs clients directement au point de vente, quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc on dit que cette bouteille intelligente-là est un pas de plus vers l'Internet du tout et partout, du tout inclus. The Internet okay. of Everything. Mais ça donne quoi savoir qu'elle n'a pas été ouverte? Ouais, ben c'est ça, c'est plus moins... Je sais pas trop. J'imagine que c'est plus pour le magasin, à savoir si quelqu'un dans le magasin a ouvert une bouteille avant de l'acheter. Ben, je sais pas. Un petit système d'alarme. Mais sinon, si t'as un bar à la maison, savoir si tes enfants sont entrés dans ton bar pour ouvrir une bouteille. Mais là, il faudrait que toutes tes bouteilles aient cette étiquette NFC là. C'est un peu compliqué tout ça. Ah ouais. Ensuite, tu connais les petites les pinces de métal qu'on utilise, les pinces pour relier le papier, entre autres. Des fois, tu vas pouvoir accrocher. Ouais, les petites pinces noires. Petites pinces noires classiques. Il y a de toutes les couleurs, mais quand même principalement noires. Il y a différentes grandeurs aussi, on connaît ça. Mais maintenant, on a monté ça d'un cran encore. OK. Les attaches de cartable qu'on appelle les binder clips, bref, d'une étape de plus pour peut-être garder, mettons, d'autres affaires que juste un fil. T'sais, on a déjà mentionné le truc d'enlever la petite épingle, le petit truc de métal de cette pince-là, rentrer ton fil et remettre l'épingle, quelque chose comme ça peut arriver. Oui, je l'ai déjà fait pendant longtemps. Ça fonctionne très bien. C'est là, pas super j'ai plus beau. Besoin. Ouais. Mais ça paraissait pas, en fait, parce que c'était comme caché derrière la tête de mon lit. Fait que j'avais juste le fil qui dépassait. C'était parfait. Oui, un très, très bon conseil. Mais donc, on passe à l'étape suivante avec la même pince. Mais au bout, t'as le truc de métal qui est d'une autre forme. Par exemple, une forme de rond, un grand, grand rond, pour pouvoir, par exemple, mettre ta pince sur le bord de ta table et insérer un verre de café dedans. Pour être sûr de ne pas faire de dégâts sur ta table, à la place, ça va pendre sur le bord de ton bureau. Tu peux aussi avoir des crayons dans un verre, des trucs comme ça. Donc, c'est super simple. Ça empêche plein de choses de tomber. Ça peut être utile pour plein d'affaires. Je vais être bien honnête. Moi, ouais, c'est pas très beau. Je suis pas sûr que ça pince assez fort pour risquer de mettre mon café dedans. Ben, un petit verre, peut-être plus qu'un gros verre, maintenant. Même à ça, imagine, non, c'est pas... Mais t'as vu, c'est une pince à vide d'outils, elle est très épaisse, là, c'est jusqu'à 20 mm, 3 quarts de pouce d'épée. La pince, c'est pas la petite pince, c'est la grosse pince. Mais c'est pas grave, ça. Ouais. Mais même si tu regardes, en plus, la photo du bas, la pince n'est même pas rentrée jusqu'au fond sur le... Ça, j'avoue que c'est une précaution que j'aurais pris de mettre ça jusqu'au fond. Et en plus, est-ce que t'as vu que t'as deux côtés? T'as pas juste le côté rond, t'as aussi le côté qui est un petit peu comme un rack pour mettre un manteau ou quelque chose comme ça, juste un petit crochet, si on veut. Donc, tu pourrais accrocher d'autres affaires à ce genre de pince-là. Ta sacoche? Ta sacoche, ben peut-être... Peut-être pas ta sacoche, ouais. Peut-être. T'es pas quelqu'un qui a une grosse sacoche. J'en ai pas de sacoche. T'as pas de sacoche. Mais je parlais pas de moi en particulier. Mais une sacoche, souvent, de filles, c'est très, très, très lourd, genre, des fois. Mais ça, c'est en majorité ou en bonne partie, mettons. On va pas inclure tout le monde là-dedans. Donc, Alimi Koza qui vend ça pour 12$ la cut clip qu'on peut utiliser aussi, bien sûr, dans un cartable ou pour n'importe quel document autre que ça. Mais vous pouvez faire plein de choses de plus avec votre pince. Ben là, pour 12$, pince pas des feuilles. Non, c'est ça. Sortons-en pour la cause, là, pour une bonne raison. Ensuite, C'est Pornhub qui veut essayer de sauver la planète. C'est un gadget qui vient de faire le tour de l'internet là. Qui va essayer de générer du courant lorsque tu prends soin de ta propre personne, sexuellement parlant. Ok. On parle donc de masturbation. Bon, bon, avec on avait compris. Avec ton bracelet électronique, c'est un petit peu comme un Fitbit que t'as en ce moment. Uh-huh. Ok. Donc c'est la Wank Band. C'est le bracelet Wank. Wank qui est un synonyme de masturbation. De Pornhub. Donc c'est un vrai morceau de technologie portable sur soi-même qui va générer du courant avec le mouvement. Ça peut ensuite être branché après avoir lavé bien sûr tes mains pour pas prendre de choc peut-être. Pour charger n'importe quel appareil USB. Donc on pense pas qu'on va pouvoir connecter sa tablette ou son téléphone au bracelet pendant que t'es en train de te faire ce que t'as à faire. Ouais, t'as peur là, ça marche pour un homme là. Ça marche pour un homme parce que le mouvement doit être un mouvement intense, mais ça pourrait marcher sur une fille qui le ferait sur un gars ou ouais, une fille mais là, sur une fille, peu importe. Mais là c'est pas prendre soin de soi-même. C'est prendre soin de quelqu'un d'autre. Sur une fille non plus ça fonctionne pas là, les mouvements sont pas aussi... Ça dépend si tu sers de gadget avec ça. Tu peux faire ce que tu veux avec ce que je vais être bien honnête, je suis pas sûr que ça fonctionne tant que ça. Faut un grand mouvement quand même. Ça prend un gros pénis. Ben c'est ça, c'est le Wank Band de Pornhub et c'est apparemment un vrai produit. Imagine toi en plus, ça doit te prendre deux mains, deux bracelets, ça charge vite là. Ben merci. Ouais. Ensuite, on reste dans le domaine du sexe un peu, Steph, avec un vibrateur avec une caméra à haute définition au bout. Hey, c'est le fun ça, tu peux te filmer l'intérieur du vagin? Just the tip, comme on dit, oui exactement, tu peux te filmer l'intérieur de pas mal tout. C'est beau son tour de nez, elle? Ouais, pas sûr en effet de vouloir cet angle-là sur une photo, mais bon, allez voir sur assemblagerequis.com pour savoir de quoi on parle. Donc c'est la Svacom Gaga Intimate Selfie Camera, donc un selfie intime. Ah, come on! Caméra haute définition et une lumière intégrée dans le type, le gland du truc, pour pouvoir enregistrer votre expérience vue de l'intérieur et ça fonctionne pour n'importe quel orifice, vous comprenez ce qu'on veut dire avec ça. Donc parfait pour une colonoscopie maison, peut-être? Peut-être pas colonoscopie, je te dirais plus rectoscopie. Rectoscopie, ouais. Tu peux pas aller jusque dans le colon avec ça. C'est super. Ah, c'est ça. Waterproof. Waterproof, j'avais pas vu, c'est bien ça. Bon détail. J'espère en fait que c'est Waterproof. C'est splashproof. Splashproof. Ensuite, Steph, on revient à la cuisine maintenant. Mais c'est le fun de varier. Sexe, bouffe. Ça va ensemble des fois et même sexe, ça peut aller. Sexe, bouffe. Ah, mais sexe, ouais. C'est du Tom Jones. Ouais. Voilà. Donc, tu reviens à la cuisine et tu veux te faire des gaufres, des Pop-Tarts, des crêpes, peut-être de c'est qui? C'est Ego, c'est ça qui fait des crêpes et des gaufres? Ouais, ouais, ouais. Mais elles sont souvent trop petites. Moi, je trouve que mes fentes de grille-pain, comme la plupart des fentes, c'est des fois trop profond, hein? Quoi? Quand, hein? Ben, je te dis qu'on mélangeait le sexe et la cuisine. Okay. Tes gaufres vont finir par aller trop dans le toaster. Gaufres, ça va. Muffins anglais, ça fait suer. Tout à fait. C'est les pires, les muffins anglais. Et tu vas être pogné. Des fois, il y en a. Moi, je les vois faire avec leur couteau. Puis je me dis, tu vas pogner un choc éventuellement. Puis quand tu vas pogner un choc, tu vas être vraiment déçu d'avoir fait ça. Tu es déçu? Ouais. Ou mort. Moi, je donne un swing. Oui, au bouton. Ouais. Je fais la même chose. Mais sinon, je prends des restants de bâtonnets. De baguettes asiatiques. Genre de restaurant chinois. OK? C'est en bois. Ou sinon, une ustensile de plastique comme une spatule, je pense. Moi, ce qui me fait ça, quelqu'un qui vire son toaster à l'envers. Ah, les graines partout. Faut pas que tu fasses ça. T'as une graine partout. Donc, c'est un toaster body qui améliore ton toaster. C'est un ensemble de deux toaster bodies. Hein? Donc, évidemment, ton grille-pain qui a souvent deux tranches. Hey, et dans la deuxième photo, t'as des Pop-Tarts. C'est vrai qu'ils font ça aussi. Parce que moi, je mets mes Pop-Tarts debout pour m'assurer de pouvoir les repogner avec mes doigts. Mais oui. Sauf que ça cuit pas le dessus. Si je les mets à l'horizontale, ils vont trop loin et je suis pas capable de sortir. Fait que, tu sais, je vais. Ils rentrent à l'horizontale. Ils rentrent chez nous, mais j'ai un gros toaster. J'ai pas testé, en fait, mais moi, j'ai l'impression que ça rentre pas chez nous. Moi, j'ai un toaster à quatre tranches que les tranches 3 et 4 ont marché pendant un mois. Fait que je ménage avec un toaster à deux tranches. Mais avec quatre trous. Bizarre ça. C'est vraiment plat, c'est qu'il y a deux trous qui servent à rien. Ouais, quand t'essaies d'aller faire un tour de quatre trous, hein, puis ça marche pas. Ouais, mais là, c'est pas toi qui as inventé le toaster à quatre trous. Non, le gars. Donc, Toaster Buddy, ce qui résout le problème, donc en ajoutant un petit panier enlevable dans ton grille-pain, tu mets ton pain ou peu importe, Pop-Tart, gaufre, bagel, dans le Toaster Buddy, et c'est comme si t'étais dans une friteuse. Ouais. C'est comme si tu travaillais dans une cafétéria ou un restaurant de graisseux. Là. Donc, avec une poignée facile à empoigner, hein. Et ça va aussi empêcher le transfert de chaleur, bien sûr. vous allez pouvoir transférer ça vers votre assiette parce qu'il y a une petite pente dans le truc. Bref, quand tu le vires, tu sais, quand tu le vires, là, je vais t'expliquer. Ce qui est vertical, quand tu le penches, ça fait une pente. Fuck you! Je te jure, c'est une pente. Il n'y a même pas besoin de l'intégrer dans le produit, c'était cœur. Voilà, donc ça fait dans la plupart des toasters. Moi, j'imagine que c'est pas nécessairement universel. Non. Ben, ça dépend si. Si tu mets à langue, ça va être universel. Non. Ouais. Non. On laisse faire celle-là. C'est. J'essaie de trouver le prix, 20$ pour les toasters Buddy. Hey, oh, bah. C'est un peu cher. Ouais. Ton toaster coûte à peine plus cher que ça, des fois. Il y a des toasters hein, aussi qui se font que tu lèves la palette, puis le fond lève et ça sort ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Comment? Il y a des toasters, ouais. La petite palette, ben. Là, la petite languette. Ouais. Bon, mais quand elle est en haut, tu peux la pencher. Non, ben non. Et ça fait un levier et ça sort ce qu'il y a. Arrête-moi ça. Ben oui. Lâche-moi. Je te touche pas. Moi, c'est comme 1000 fois plus pratique et esthétique que ça. Ouais. Mais bref, j'allais faire une joke de mon oncle américain en anglais. Tu sais, moi, j'aime ça m'adresser aux 2% de la population de Trois-Rivières qui connaît les. Qui comprend l'anglais. Fait que genre, je vais faire la blague facile de Toaster, I don't even know her. Oh boy. Okay. Fait que c'était ma blague de mon oncle américain. Ensuite, TextBlade par WayTools. C'est un clavier QWERTY de la grosseur d'un paquet de gomme. Il est pliable, Steph. Il est pliable, le clavier. Pliable. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, non. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par pliable? Ben, Colin, je t'en parle. Tu sais que le clavier sur un téléphone cellulaire ou une tablette, ça fonctionne bien la plupart du temps, mais quand tu veux entrer beaucoup de texte, tu te ramasses avec. Tu traînes un clavier. T'sais, on a vu Véronique Mir qui traîne un gros clavier de Mac Bluetooth. Je pense que c'est un gros clavier de marde. Non, de Mac. Il est vraiment gros. Tu sais, dans son sac, ça prend de la place. T'sais. Donc, c'est ça, c'est la solution que la plupart des gens utilisent. Ben, c'est soit avoir un case avec un petit clavier intégré ou quelque chose comme ça. Ça fonctionne bien, mais ça prend plus de place. Mm-hmm. Le Key Share Adapter. Non, pardon, c'est pas ça. C'est le WayTools TextBlade, voilà. Qui est une alternative. C'est un clavier Bluetooth qui fonctionne sur iOS et Android avec un design compact qui se snap ensemble, mais de façon magnétique. C'est un clavier QWERTY au complet avec des touches de 19 mm. Et c'est la même grandeur donc qu'un clavier normal de bureau, mais en beaucoup plus petit. Comme surface à transporter. C'est parfait pour ceux qui tapent vraiment comme qui ont la touche facile. Ceux qui sont habitués aux claviers normaux, ils n'auront pas à se réhabituer à des plus petits claviers puis à changer leur façon de taper, tu comprends? Donc, Bluetooth 4.0 qui peut durer jusqu'à un mois sans se faire charger. Et quand tu as besoin de le charger, ça se fait en quelques minutes en le branchant dans un port USB sans avoir besoin de fil. Wow. On peut commander le WayTools TextBlade pour 99$ avec shipping au mois de mars. Cher. Et c'est super beau, c'est très très très cher. C'est cher, mais mon Dieu que ça serait pratique. Hey, ça rentre dans ta poche facilement, là. Oh, ouais. Facilement. Le TextBlade, c'est vraiment cool. Et en plus, t'as un petit socle qui vient avec pour mettre ton téléphone ou ta tablette dessus pour qu'elle tienne debout. Malade. Intégré dans le gadget qui prend très peu d'espace. Et on va terminer avec celui-là. C'est une lumière activée par le mouvement pour aller en dessous du lit. Tu sais, on a tous vu les veilleuses qui se branchent dans une prise de courant. Il faut que tu trouves la bonne prise de courant qui est dans le coin de ton lit puis qui va éclairer tout le long du corridor. Puis ça commence à être compliqué, ça. Compliqué un peu. Ouais. Et t'as déjà vu aussi, probablement, chez des amis à toi, sportifs ou genre qui aiment les pimpages de char, ils vont se mettre des lumières de char en dessous de leurs armoires pour avoir de la lumière dans la cuisine le soir. Il y a une petite bande de lumière, ça. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Bon, t'as déjà vu ça. Donc, on combine les deux, veilleuse et lumière de char. En fait, ça aussi, me semble, à l'université, en dessous des trucs à trophées, là. C'est vrai, là où il y a trois trophées en dessous. Ah, il y en a? Il y en a comme en vraiment pas. Parce que tu es en train de décoller, hein, en tout cas. Il devrait se faire des faux prix juste pour remplir la place parce que ça a l'air loser rare. C'est les faux prix, je veux dire 2,99, 6,99. Exactement. Allez voler des petits trophées pour enfants chez Dollarama. Bref, donc c'est une lumière Bedlight. Quand tu te réveilles dans le milieu de la nuit, bien sûr, tu as besoin de ça. C'est la compagnie MyLight. C'est une lumière automatique en dessous du lit qui va discrètement et doucement illuminer le plancher en dessous du lit pour te guider vers la sortie. Et empêcher les monstres aussi. Exactement, empêcher les monstres, t'enfarger aussi ou t'enfarger dans un monstre. Les deux voilà, sont valides. Voilà, ça arrive. Les trois. Donc, deux bandes de lumière LED qui vont aussi s'éteindre après un certain moment quand ça ne détecte pas de mouvement ou s'il y a déjà de la lumière de présent. Donc, quand tu allumes les lumières, ça va éteindre les lumières en dessous de ton lit. C'est parfait en dessous des lavabos de salle de bain, sous la bassinette de bébé, dans le garde-robe, un peu n'importe où comme ça. Donc c'est parfait pour tout le monde. Bedlight par MyLight. Et j'imagine que ça dérange pas l'autre personne, c'est quelqu'un d'autre dans la pièce. Parce que c'est en dessous du lit, non. C'est ça qui est assez forte. Ça coûte une soixantaine de dollars avec deux sensors. Donc c'est ça. C'est cool, c'est très cool, ouais. Ouais, j'aime ça. C'est tout. Ah, des beaux achats à faire encore. AssemblageRocky.com pour tous les liens de cette chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Mais malheureusement, c'est là-dessus que se termine Assemblage requis pour aujourd'hui. Non! Une chance, la semaine n'est pas finie. Une chance qu'il nous reste une journée, parce que demain, on va être là entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Demain, on est jeudi. C'est la semaine de relâche, fait que j'annonce rien. Voilà. Sur nos ombres, à un moment donné. Aujourd'hui, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, ça va être le mercredi marathon Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show à 13h et les palmarès c'est fou à 15h. À 18h, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique. À 19h, Les Audacieuses avec des découvertes musicales. Puis c'est pas mal ça. Comme je disais, semaine de relâche, mais les émissions de soir ont tendance à être là pendant la semaine de relâche. Je vais juste pas mentionner les émissions. Comme cool d'être ensemble, je pense. Vous allez savoir. Je suis pas sûr, bref. C'est.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On remercie Véronique Mire. Oui. Frédéric Bernard. Moi. Toi, Stéphanie Paradis. Puis toi, Mathieu Plante. Merci beaucoup. À demain. Ça fait plaisir. Bonne à journée. Demain. Prends soin de toi. Toi aussi. Parfait. On écoute une info qu'on en plus ensemble. Oui, d'accord. Ah oh, oui. Ouais.